bienvenue sur Comic Stories pour le numéro 305 de notre podcast. Je suis accompagné cette fois-ci de Boris. Bonjour. Et de Anthony. Borarum. Et nous allons... Ouh, ça a bien saturé ton... Ça commence bien. Nous allons cette semaine ou ce mois-ci, je ne sais pas quand sera le prochain, parler de nos chroniques, de nos dernières lectures, un petit peu de VF, un petit peu de VO, avec une liste ma foi plutôt sympathique et de très gros titres, que ce soit du côté de la VF ou de la VO. Et on va... Alors pas de news particulière, si je regarde bien le conducteur, t'as rien trouvé Boris en VF qui t'a alléché? Non, j'avoue que là, je sèche un peu en matière tu de... Tu n'as pas estimé que l'annonce des deux nouvelles collections autour de Batman chez Urban Comics méritait d'en parler, et tu as bien raison. On va bientôt les renommer Batman Comics, à ce rythme-là. Je n'avais pas vu. Ils ont annoncé, alors du coup, il faut que je les retrouve, Batman Arkham, je crois, qui sera consacré à des vilains, donc une espèce d'anthologie autour des vilains. Et puis l'autre, c'est... je vais être obligé d'aller chercher, du coup, sur leur page Facebook. Attends, j'y suis. Ça, en fait, ils anticipent sur l'avenir de DC qui va devenir... Après Batman Mythologie, c'est en direct de la page, donc c'est pas du pipeau. Batman Arkham vous présentera des récits inédits consacrés aux plus grands ennemis de Batman. On vous laisse deviner qui sera le premier. Effectivement, oh non, l'image... le Joker encore. Si l'image associée à au message est la bonne, a priori, c'est pas le Joker. C'est quoi sur l'image que je l'ai pas sous les yeux? C'est un personnage avec une pièce. Oui, c'est ça, c'est double face, effectivement. Et puis, de tête, je l'avais lui. Oui, voilà. Et puis, l'autre, donc le fameux Arkham Batman donc, Mythology, du coup, c'est Mythology. La question. Alors, Batman Mythology, la Batcave. Donc, a priori, de ce que je comprends, c'est la première. Donc, Batman Mythology, c'est une collection qui, a priori, devrait se concentrer sur Batman. Alors, Batman Bruce Wayne, Batman le mythe, ça, on verra. Et le premier, c'est la Batcave. Donc, je pense que c'est des volumes qui participeront à dresser un portrait, là pour le premier par exemple, de la Batcave. Bon. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois c'est un thème axé D'accord. sur l'univers de Batman, donc là ils ont choisi la Batcave pour commencer. Voilà, et encore une fois sous format anthologique, du coup la collection s'appelle Batman. Après, s'il y a du... Excuse-moi, je t'ai coupé. S'il y a de l'édito, avec du contenu plus que des numéros D6, pourquoi pas? Pour voir le prix aussi. Pourquoi pas, mais on a peut-être, peut-être assez de Batman pour pouvoir mettre en avant d'autres personnages. Voilà. Je pense qu'il y a un catalogue assez riche pour proposer autre chose. Après, s'ils le font pas, c'est que sans doute ça vend pas. Hein, donc, faut pas se leurrer non plus, je pense. Non, c'est sûr. Mais c'est un peu dommage, quoi. Ça gave un peu. Et donc, le fait voir le Batman Arkham s'il y a plus de trucs. Je crois qu'à le détail des numéros. Donc, le premier, c'est double face. Ok. Bon. Donc voilà, à chaque fois, format anthologique qui va balayer. J'espère qu'il y aura le numéro de Batman et Robin. Oui, a priori, Batman et Robin, 23 points. Numéro fantastique, où il se tire une balle. Ouais, je me rappelle de celui-là. Allez, bah du coup, pas de news particulière, à part du coup voilà, ce petit truc un peu à chaud que j'ai vu cet après-midi, c'est pour ça que je réagissais. On va commencer par, puisqu'on est chez Urban, on va te donner la parole, Boris, avec quelque chose qui était très attendu. Oui, Batman, créature de la nuit, donc de Kurt Busiek et John Paul Leon, je sais pas comment on dit, Leon. Sorti en librairie, dans le Black Label, puisque tout sort dans le Black Label à peu près maintenant. Alors c'est le scénariste de Superman Identité Secrète qui est ressorti en même temps, que j'ai pas repris parce que je l'avais repris à sa première réédition, parce que c'est pas la première fois qu'il le réédite. Et ça part un petit peu du même principe, on va dire, c'est-à-dire un kidam moyen qui a les caractéristiques où... Alors là, c'est pas le nom complet, dans Superman c'était le nom complet, c'était Clark Kent le personnage, là c'est Wainwright, il s'appelle, voilà, qui a des caractéristiques aussi bien dans son nom, son entourage, dans sa vie, etc. Et jusque dans les événements qui lui arrivent, puisque là sa famille, ses parents se font tuer sous ses yeux. Donc voilà, une, une similitude grande avec Batman et Bruce Wayne. Et évidemment, cet enfant est un grand fan des BD et des comics Batman. Et donc, en grandissant, il décide un peu de s'inspirer de son héros d'enfance pour rendre un peu le monde meilleur. Mais commence à apparaître une sorte de chauve-souris, un peu comme Batman, qui veut rendre la justice dans la ville où se déroule. Alors ça peut être peut-être Boston, on ne sait pas trop, c'est pas décrit, mais ça peut être cette ville-là. Et je ne vais pas en dire plus, puisque Anthony n'a pas lu le comics et sa pile, il est sur sa pile, donc je ne vais pas trop en révéler. Puis ce n'est pas la peine d'en révéler beaucoup plus, hein. c'est pas forcément nécessaire pour la compréhension. Alors, c'est une série qui est en 4 épisodes d'une bonne quarantaine de pages, hein, des gros épisodes, qui va s'intéresser surtout à la psychologie du personnage là, de Wainwright, en développant sa culpabilité par rapport à ce qui lui est arrivé, sa volonté de rendre le monde meilleur et comment est-ce qu'on peut le faire, jusqu'où on peut aller, puisque la créature qui apparaît, on utilise parfois des moyens un peu dur. Le scénariste traite aussi de la sortie de l'enfance, puisqu'il reste un peu bloqué voilà, dans son monde, son univers de BD originel. C'est pas mal du tout. Alors moi, j'ai mieux aimé Superman Identité Secrète, si on peut faire une petite comparaison, parce qu'il y avait un côté très lumineux dans ce comics. Et là, au contraire, c'est très très sombre. Donc j'ai un tout petit peu moins accroché. John Paul Leon est très bon au dessin. Il a un ancrage assez épais et des couleurs bien adaptées, sombres aussi, mais plutôt belles et bien adaptées à chaque séquence. Il y a une double narration aussi qui crée quelque chose d'intéressant entre le narrateur qui est le héros, on va dire, et son oncle. Et donc il y a une double vue un petit peu de l'évolution de la situation du personnage, et ça c'est pas mal fait. Donc une bonne série. Honnêtement, je pensais que ça allait être un gros coup de cœur. J'ai bien aimé, mais c'est pas un gros coup de cœur. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait parfois un petit peu d'émotion sur certaines scènes. Voilà, c'est un petit peu les points négatifs. Mais c'est une sortie. Alors on viendra aller après de Batman. C'est une sortie Batman originale, on va dire. C'est pas du super-héros Batman habituel. Ça a vraiment quelque chose de plus profond et d'intéressant à découvrir. Donc, un bon comics, un bon bouquin. Voilà, pas gros coup de cœur, mais très bon. Et je crois que tu l'as lu, enfin, en tout cas, bah, en VO, Mathieu. J'ai lu les trois premiers en VO parce qu'il y a eu une petite histoire éditoriale autour de tout ça. Les trois premiers sont sortis en 2017 et le dernier est sorti en 2019, le quatrième, à cause des problèmes santé de John Paul. Oui, voilà. Ouais. Du coup, bah, les presque 2 ans d'attente entre le 3 et le 4 ont un peu eu raison de mon courage. Et je sais que si je veux lire le 4 que j'ai, il faut que j'en lise les 3 autres avant. Donc je garde ça pour, ouais, je garde ça pour clairement, plus tard. Ouais. Mais j'ai un très bon souvenir, en tout cas, moi, des 3 premiers épisodes. J'avais bien aimé effectivement le ton et le style graphique, tout ça. Même dans le lettrage, c'est hyper intéressant. Donc je m'y remettrai, je sais pas si je dois dire avec plaisir, parce qu'effectivement c'est assez noir. Mais en tout cas, oui, je le terminerai, ça c'est sûr. Et puis il y a une postface de Kurt Busiek. À la fin, où on a d'abord un premier texte où il expose un peu son projet initial, donc on voit que ça diffère du résultat, et après il y a une fin où il explique un petit peu qui a été modifié, et par qui, et pourquoi, etc. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution d'une œuvre, on va dire, entre la proposition initiale et le résultat final, en fait. Donc ça, c'est pas mal d'avoir... Urban fait souvent ce genre de choses, d'ajouter des textes, des auteurs explicatifs qui apportent quelque chose, et c'est sympa. Ok, du coup, peut-être que je ferai un cartable du côté de la VF, je sais pas à quoi ressemble le recueil en VO. Mais voilà, pour ce genre de truc, pourquoi pas. Ouais, puis c'est pas juste, c'est pas excessif, c'est 19 euros. Okay. C'est pas excessif pour 216 pages. Je pense que je suis pas sûr qu'en VO tu trouves moins cher. Il est à 24 ou 25 dollars, je crois, le recueil. Ouais. Mais c'est vrai que c'était des gros singles, un peu dos carré, format TPB. Je me rappelle, quand je les avais lus, ça m'avait assez impressionné. Oui, ça se lit pas en 3 minutes. Hein. Faut, ouais, ouais, si on veut, dit, si on veut enchaîner les 4, il faut avoir 3 bons quarts d'heure devant soi, quand même, au minimum. Hein. Je me suis dit, en le feuilletant, on va prendre son temps. Quand j'avais feuilleté le premier à l'époque où je l'avais reçu. Allez, on va continuer. On va rester dans Gotham avec Anthony cette fois-ci, qui va faire un tour du côté des méchants. Ouais. Joker Killer Smile. Donc c'est pareil, Black Label, que ce soit chez DC ou chez Urban. Donc très belle collection, on ne reviendra pas dessus. C'est un énième récit, on va dire, de nouveau à Gotham. Alors, c'est pas vraiment sur Batman maintenant, ça s'appelle Joker Smile, donc bon, on a compris où on va en venir. Sachant que en plus, dans ce numéro, donc il y a les trois numéros de la mini-série, donc Joker Killer Smile, plus un numéro qui est là comme une suite à ces trois premiers, Batman Smile Killer. L'équipe artistique a de quoi faire tourner la tête, puisque c'est Jeff Lemire au scénario et Andrea Sorrentino avec ses crayons. Et chez DC, ça a déjà été assez merveilleux avec ces deux-là, puisqu'ils ont fait le splendide Green Arrow. Et donc là, ils sont revenus, non pas cette fois avec des flèches, mais avec des pilules, puisque, en gros, Joker Killer Smile, c'est le silence des agneaux par Jeff Lemire. Dans le sens où c'est de nouveau ce récit psychologique d'un entretien médical entre le Joker et un docteur quelconque qui là s'appelle le docteur Ben. Et au cours des trois numéros, on va suivre une sorte de psychanalyse du Joker par le docteur Ben, ou alors c'est celle du docteur Ben par le Joker. Et là, les premières graines de la suspicion et du doute sont posées très rapidement par Jeff Lemire, sublimées par les traits très très fins de Sorrentino, avec ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire savoir mettre en évidence certains éléments pour en oublier d'autres et savoir porter le regard là où il faut. Donc ça, rien à dire là-dessus. Graphiquement, il n'y a pas. Enfin bref, c'est du Sorrentino. Puis comme je suis pas spécialiste, je peux pas non plus apporter des termes très techniques, mais c'est du Sorrentino très au meilleur. Vraiment, c'est du Sorrentino au meilleur. Et pour l'histoire, ça m'embête de vous en dire plus parce que c'est malgré tout que trois numéros. Batman Killer Smile, c'est le Smile Killer, c'est une sorte de suite qui récupère un début d'histoire qu'on a déjà vu dans un autre récit du Black Label, déjà chez Batman, sorti chez Urban. Ça vous donne déjà une petite idée de ce vers quoi, de vers où vous dirigez. Alors, c'est objectivement, c'est très bien. C'est très bien puisque c'est bien raconté, c'est tortueux, c'est névrosé. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est en plus c'est court et ça se lit vite. C'est beaucoup moins bavard que Harleen, qui est le précédent récit que j'ai lu dans le Black Label. C'est tout aussi joli dans un style différent. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est deux récits qui sortent quasiment mois pour mois, deux récits qui traitent de la psychiatrie, du dédoublement de personnalité, du jeu de la personnalité, de qui est quoi, quoi est qui. Donc, Joker Killer Smile, c'est super. Maintenant, voilà, c'est encore une fois ce récit-là d'un sociopathe, d'un psychopathe qui est interrogé par un médecin qui veut bien faire, qui peut prouver qu'il peut soigner le Joker. C'est marrant, on l'a déjà vu chez Harleen. Bon, voilà, dès qu'on ouvre les premières pages, on sait que ça va mal se passer. Bon, sans trop en dire, ça se passe mal. Je vous laisse découvrir les aboutissants de tout ça. C'est bien raconté, c'est très bien raconté. On n'en sort pas indemne, on n'en sort pas très joyeux non plus. Maintenant, voilà, si vous êtes fatigué de, je peux le comprendre, de ce Batman et surtout de ce Batman du docteur qui examine, qui ausculte, qui écoute et qui parle, c'est pas pour vous, quoi. C'est pas pour vous. Mais bon, c'est recommandé. C'est recommandé. Surtout que la suite, pardon, je termine, le Batman Non, vas-y. Smile Killer démarre bien, mais c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas de suite, ni que ce soit prévu chez DC avant d'en parler chez Urban. Donc la fin est vachement abrupte et ça laisse beaucoup de questions. J'imagine que c'est fait exprès, mais on n'a pas l'habitude de ça et c'est assez étonnant. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors, bah moi je l'ai eu en VO. J'avais fait une review là-dessus, donc je pense que ceux qui l'ont lu connaissent un peu mon avis, mais donc il y avait eu les trois premiers épisodes, donc la mini Joker Smile. J'avais trouvé que c'était, alors déjà c'est très beau effectivement, c'est du Sorrentino et il y a Jordi Belair aussi aux couleurs et je trouve qu'il y a un vrai travail sur les couleurs qui est vraiment très intéressant. Oui, c'est bien écrit, ça se lit bien, c'est sympa, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de tension et de nervosité. Voilà, je me suis un peu inquiété pour le fameux docteur là, que vers la fin du 3 en fait. J'ai trouvé que les deux premiers, bon bah voilà, oui, c'est bien écrit, mais on s'implique pas trop dans le Bah, récit. J'ai pas réussi à m'impliquer. C'est venu que sur la fin et puis en fait, bah, ça se termine juste après. Donc déjà, oui, voilà. je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Puis dès que tu ouvres, tu sais à quoi, tu sais à quoi, du moins ce à quoi l'auteur veut nous emmener, ce vers quoi l'auteur veut nous emmener. Alors effectivement, la fin, tu as des doutes quant à la page sur laquelle tu vas arriver quand tu tournes. Effectivement, t'es un petit peu tendu. Maintenant, le gros fil rouge de ces trois numéros, ça tombe un peu, je vais pas dire à plat parce que c'est quand même bien raconté, mais tu sais de quoi on part, tu sais vers où on va aller, et tu sais plus ou moins comment on va y aller. Ouais, Et c'est bien fait. ça manque de surprise quand même, pour être clair. C'est voilà, j'ai pas été trop surpris. Et puis en VO, le dernier épisode, donc le Batman My Killer, a été sorti plusieurs mois après. Et ça faisait vraiment profiter, voilà, surfer sur le succès de la mini-série pour en remettre une couche en annonçant ça comme une sorte de conclusion. Et en fait, ça conclut rien du tout. Enfin, moi, je trouve Non, ça pas. conclut rien du tout. Et puis alors c'est peut-être parce que c'était beaucoup plus tard, plusieurs mois plus tard, j'ai pas, franchement, j'ai trouvé ça inutile. Enfin, moi, ça m'a Oui, pas du tout je suis convaincu. assez d'accord. Je pense qu'on pouvait se contenter des 3 épisodes. Et voilà, de l'excellent Sorrentino Belair, du bien écrit par Jeff Lemire, mais il a fait nettement mieux. Enfin, il y a beaucoup de séries où je le préfère largement. Donc, sympa à lire, moi, mais pas plus, quoi. Tu m'avais tellement découragé à l'époque de Batman Smile Killer que je l'ai toujours pas lu. Désolé, ça se trouve tu as Après, adoré. tu t'engages, vous vous engagez que sur 3 numéros. Donc, bon, l'acheter exprès, je sais pas, surtout si vous êtes déjà tapé tous les Black Label. Je trouve très honnêtement qu'un White Knight et la suite qui est sortie là, ce mois-ci, est quand même beaucoup plus original. Oui. On aime ou on n'aime pas, mais dans ce que fait Sean Murphy, Joker Killer Smile, j'ai un peu l'impression de l'avoir déjà lu, ne serait-ce que chez Batman, de l'avoir déjà vu ailleurs, autre, quel que soit le comics ou voire cinéma, série. Bon. Oui. Moi, dans Killer Smile, je retiens pas du coup le one shot avec Batman, puisque du coup j'ai toujours pas lu, mais j'ai bien aimé le parallèle avec le petit album pour enfants que le docteur lit à son gamin avant de s'endormir. Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, ça j'ai bien. C'est un petit plus, on va dire, un petit truc dans l'histoire qui m'a bien plu, et aussi graphiquement. J'ai bien aimé le style de ces pages-là. Après, oui, pour le reste, je suis d'accord avec vous, je vais pas revenir dessus. Voilà. Par contre, ouais, il y a certaines planches, je suis devant là. Au moment, tu as une Oui. planche avec Killer Croc, j'en dis pas plus, avec un flic qui passe devant. Enfin, vraiment, t'es scotché. Il y a pareil. Bon, je vais pas trop en dire, mais évidemment, à la fin, Batman est de la partie. Putain, Sorrentino, il a bien compris, quoi. Il utilise très bien les noirs comme il sait les faire, les visages qui ressortent, les ombres, ses cases en couleur pour pointer certains éléments bien précis, des impacts, des coups. Non, graphiquement, artistiquement, esthétiquement, c'est très très haut niveau. Et j'avais même trouvé, moi, que le Batman Smile Killer était, même graphiquement, était un peu un ton en dessous. Bah, Voilà. je suis assez d'accord. Ah, il y a peut-être du moins le temps pour le faire. Non, mais on sent le truc vraiment rajouté, produit, parce que ça a fonctionné. On va faire un peu de blé dessus, quoi, de la part de DC, je Ouais. pense. On sent que, enfin, moi, j'ai trouvé qu'en termes de mise en page, voilà, dans la mini-série, il y a vraiment des trucs, quoi. Il a trouvé des façons de mettre en scène le scénario de Jeff Lemire vraiment intéressantes. Oui. Et c'est beaucoup plus plan-plan, entre guillemets, hein, je vais pas non plus. C'est très, très bon aussi, mais beaucoup plus, voilà, moins imaginatif dans ce dernier épisode. Et puisqu'on, ça a un peu à voir quand même, mais puisqu'on parle de Black Label et de Jeff Lemire, moi j'espère que Urban va sortir son The Question, que j'ai lu en VO, là, et qui là est vraiment, là c'est vraiment quelque chose de très très bon, d'excellent. Graphiquement, c'est aussi superbe, c'est pas la même équipe, mais alors c'est un personnage évidemment bien moins vendeur que Batman, Eh oui. mais Lumière est franchement, vendeur, donc c'est. y a des chances que ça Ouais. sorte. J'espère que ça va sortir, parce que ça, c'est vraiment une mini qui vaut le coup, quoi. Voilà, parenthèse Fermé. close. Très bien. Eh bien, parenthèse close. Urban Comics, on va clore également cette parenthèse. Avant de passer dans la maison d'en face, on va faire une petite incartade du côté de l'Indé. Avec toi, Boris, tu vas nous parler. Alors, je crois que c'est du Boom Studio en Tout à VO fait. et c'est du Delcourt en VF. Voilà. Et ça m'a pris d'un seul coup, je ne sais pas comment. Une doute, sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais lire Bonne Parish de notre ami Cullen Bunn. Alors que c'est le tome 2 qui sort là, et le tome 1 est sorti en février. Mais je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je me lance, je prends le tome 1, et si c'est bien, je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2, ce qui est toujours appréciable. Donc c'est Cullen Bunn au scénario, Jonas Scherf, un artiste allemand, au dessin, et Alex Guimaraes, un Brésilien, aux couleurs. Donc c'est du Cullen Bunn, donc comme pour la plupart de ces séries indées, il y a un côté fantastique, voire horrifique, Et là, il mélange avec du polar. Donc, pour résumer un petit peu, une nouvelle drogue circule à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle la cendre et qui est basée à partir de cendres de cadavres déterrés et qui, une fois qu'on l'ingère, permet de revivre la vie, les meilleurs moments, on va dire, des personnes sur lesquelles elles ont été prélevées. Donc, si c'était une star du rock, eh bien, on est le temps du shoot à sa place et on vit ce qu'il a vécu. Donc, ça part de ça. Et donc, il construit un polar mafieux, hein, clairement, puisque c'est l'idée de base, c'est le contrôle de cette nouvelle drogue à la Nouvelle-Orléans. Donc, ceux qui l'ont créé et mis en place, c'est la famille Winters, avec donc la mère. Et il y a quatre enfants, une fille et trois garçons. Donc, ce sont des adultes, évidemment. Et donc voilà, il va y avoir des factions criminelles opposées qui vont venir essayer de négocier. Et puis, si la négociation ne fonctionne pas, on va passer à des méthodes un peu plus radicales. J'ai beaucoup aimé. Alors, en termes de polar, c'est pas innovant, c'est-à-dire que le déroulé, les intrigues mafieuses, etc., on a déjà vu. Hein, y a rien de nouveau. Par contre, l'idée de la cendre, etc., ça apporte quand même des petits trucs sympas au niveau fantastique. Alors, c'est pas de l'horreur, moi, derrière, ils décrivent un peu un spécialiste de l'horreur. Effectivement, il a fait Harrow County, qui là, moi, pour moi, était beaucoup plus de l'horreur. Là, on est plus dans le fantastique, on va dire. C'est un polar avec quand il y a la drogue qui entre en jeu, mais c'est pas de, il n'y a pas des scènes horrifiques vraiment qui peuvent effrayer. Le lecteur. C'est bien construit. Moi, je trouve que c'est bien construit. Ça sème petit à petit un peu toutes les pistes. J'ai trouvé que le tome 2 était meilleur. Ça se densifie davantage. Il exploite un peu plus les relations familiales, ce qui manquait un petit peu dans la première partie. Et puis, les dessins de Jonas Scharf et les couleurs là, de Alex Guimaraes, ça fonctionne aussi très bien. C'est super, super précis. Il y a pas mal de décors. On est bien immergé dans le récit. Et puis les couleurs souvent sombres, hein, parce que ça se passe soit la nuit, soit voilà, dans des pièces isolées, etc. Et ça fonctionne bien. Seul petit bémol, bon, bah alors, mais ils sont basés, je pense, sur les TPVO, c'est des arcs en 4, donc ça se lit un petit peu vite, chaque tome. Maintenant, comme j'ai enchaîné les deux, bon, bah, ça a gagné un peu dans mon esprit, on va dire, en densité. Et a priori, il doit rester un dernier tome, puisque je crois que c'est en 12, en VO. Oui. Donc, bonne découverte. Moi, voilà, Cullen Bunn, en général, je supporte pas ce qu'il fait chez Marvel ou DC. Je trouve que c'est un peu le gars qu'on va chercher quand on a besoin d'écrire un tie-in moisi à un event obscur. Magneto par Cullen Bunn, c'était bien. Ouais, c'est vrai que c'était pas trop mal ça. Mais on va dire que sur les 5-6 dernières années, c'est quand même un peu le gars qu'on va chercher pour écrire un épisode vite torché. Accordé. Enfin, c'est mon avis après. Par contre, en indé, il est souvent bon quand même. Harrow County, que Glénat avait commencé à publier et qu'ils ne publieront pas a priori jusqu'au bout, puisqu'il devrait sortir le quatrième tome, mais on attend toujours, était une bonne série d'horreur. Là, et puis avec une partie graphique très originale. J'avais pris Six Gun aussi chez Urban, Ça, c'était une bonne, vachement là aussi bien. une bonne série. Hein. Ouais, c'était bien ça. Et voilà, donc il peut produire des bons trucs. Je pense que quand il a la liberté de faire ce qu'il veut, ben, voilà. Et puis après, bon, sans doute que chez Marvel, il va aussi chercher le cacheton pour manger. Donc c'est pas toujours, voilà, il est peut-être pas toujours impliqué. Mais sur cette série-là, ouais, bonne pioche et je suis content de mettre. Lancé dans cette série, je pense que le tome 3 devrait sortir pendant l'hiver à peu près. Donc voilà, on aura la conclusion et j'espère qu'il saura bien conclure cette série. Voilà, je crois que tu avais commencé, J'avais Mathieu, commencé en mais. VO, j'avais plutôt accroché au concept. Moi, ce concept de cette drogue là, c'est un peu un truc un peu taré. En plus, ça s'ouvre, si ma mémoire est bonne, sur le concert de rock. Ouais, voilà, tout à fait. J'avais vraiment trouvé, voilà, le concept, l'idée du truc, un truc un peu fou qu'on n'a pas l'habitude de lire en tout cas. Et ça fait partie de ces nombreuses séries que la longueur, que la lecture en single Ouais, des fois a un peu c'est compliqué rendu en single ou indigeste. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours dans un coin de ma tête envie de lire, mais du coup ce sera pas en single. bah ouais puis même en tome 4 épisodes je trouve que ça T'as envie d'en avoir plus, quoi. Parce que Ouais. c'est bon, mais aussi parce que ça se lit quand même relativement vite. 4 épisodes, c'est vrai que Donc. c'est le format Boom Studio sur beaucoup, beaucoup de leurs séries indé par On peut rapport aux penser télés. que, ouais, on peut penser que lire ça un épisode par mois, ça fait un peu léger, on va dire. Ouais, le premier était pas mal, il était assez dense, il y avait pas mal de trucs, il fallait quand même s'immerger dans cet univers-là, comprendre un petit peu l'histoire de cette drogue, enfin ce qu'on est en train de lire. Puis après, bon, dès le deuxième, c'est vrai que c'est moins dense et ouais, t'en as envie de plus, c'est vrai. Ouais, puis il met surtout en place dans le premier. Je trouve que le deuxième arc, donc les épisodes 5 à 8, là, ça s'accélère un peu. Il y a une densité qui arrive. Il développe quand même les relations entre les membres de la famille. On voit que c'est pas tout rose, etc. Mais bon, fallait qu'il mette en place son idée. Mais non, non, c'est moi, je suis conquis. Ok, très bien. Allez, on va, comme promis, aller faire un tour du côté de chez Marvel, ou plutôt de chez Panini, puisqu'on est en VF. Et allez, on va commencer avec. Bon, les deux ont l'air d'être bons, hein, si on entend un petit peu comment tu en parles en off. Donc, on va commencer avec du Venom, Anthony. Ouais, Venom. Donc c'est pas le mag d'octobre, c'est le mag de septembre. Alors j'ai un doute sur le numéro, mais c'est surtout pour parler de Venom 20, donc qui est encore un tie-in à Absolute Carnage. C'est le Venom 5. Donc c'est le Venom 5 chez Panini qui contient le Venom 20. Le reste du mag, je vais quand même le dire, Absolute Carnage Immortal Hulk, j'en ai aucun souvenir, et les deux Ruins of Ravencroft, c'est pas très intéressant, et le Spider-Man 12 avec Miles Morales, ça ne me plaît pas tellement. Par contre, le Venom 20, lui, donc écrit par Donny Cates, et au dessin, il faut que je retrouve ça, c'est pas Ryan Non, Stegman, sinon je t'aurais dit tout de suite, mais je sais que c'est pas c'est lui. Iban Colo au dessin, Donny Cates au scénario. Donc, comme Donny Cates était aussi à l'écriture de Absolute Carnage et que c'était très bien, quand il écrit les tie-in, c'est un, très bien, et deux, essentiel. Essentiel pour Absolute Carnage et essentiel pour Venom. Ce qui n'est pas anodin, puisqu'en fait, dans ce numéro 20, c'est la véritable conclusion de Absolute Carnage et ça va adresser notamment la question de Dylan Brock, donc le fils de le tout récent fils d'Eddie Brock. Ça va poser la question et ajouter une couche supplémentaire sur la Bible des symbiotes. Qu'est-ce que le symbiote? Et l'élément apporté n'est pas inintéressant du tout. Et en plus de ça, on sait depuis quelques numéros que Donny Cates s'intéresse pas mal au Maker, donc ce Reed Richards de l'univers Ultimate. Et je dois bien avouer que la conclusion de son Venom 20 m'a beaucoup surpris, ramène un élément que peu d'auteurs, vraiment peu d'auteurs, se sont risqués, ne serait-ce qu'à référencer, voire à citer. Et je vous renvoie là vers le Secret Empire 2 de mémoire, où le problème était là aussi, enfin la question était posée et Nick Spencer avait tout de suite tourner la porte, enfin fermer la porte, s'il n'était pas risqué. Donc là, c'est ce même type d'élément-là que Donny Cates récupère, et cette fois-ci, il affronte frontalement le conseil, l'indice est donné. Donc, c'est un numéro de conclusion, c'est un numéro qui fait le bilan, c'est un numéro qui renvoie la lettre vers d'autres destinations, c'est un numéro dans lequel Donny Cates rajoute un élément supplémentaire au symbiote et utilise le personnage de Dylan pour ça. C'est un numéro dans lequel Donny Cates construit et solidifie la relation père-fils en ajoutant déjà de la fragilité. C'est clairement énoncé dans le numéro, je reste évasif exprès. Et en plus de ça, là, on est dans la sphère Venom. L'auteur utilise le Maker non pas pour rien, parce que pour l'instant, jusqu'à ce numéro 20, c'est vrai que le Maker était la caution scientifique un peu détournée de Venom. Bah non, non, non, non. Il va en faire quelque chose de beaucoup plus poignant, de beaucoup plus insidieux. Donc vraiment, ce Venom 20, c'est le maître étalon de ce que devrait être un tie-in, un event, deux, une conclusion véritable d'un event, trois, un véritable numéro de transition. Ce Venom 20, vraiment, je le dis, est assez parfait. Alors, c'est pas Ryan Stegman au dessin, donc bon, en même temps, vu ce qu'il a fait sur Absolute Carnage, on peut lui pardonner. Donc vraiment, je conseille ce Venom 5 chez Panini qui contient le numéro 20 de la série Venom pour toutes ces raisons. Vraiment, pour toutes ces raisons, le numéro est excellent. Il en fait beaucoup, beaucoup plus que beaucoup d'autres auteurs. Et bah, encore une fois, voilà, Donny Cates prouve qu'il est vraiment à sa place sur Venom. On a déjà une idée de ce vers quoi Donny Cates ce temps avec la suite de la saga Knull. Entre-temps, il me semble qu'il y a Venom Island. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je sais même pas si je vais le lire chez Panini. Non, t'es pas obligé. Ok. Donc j'attendrai la prochaine saga. Là, il reprend Thor chez, enfin, la suite de Aaron. On va en parler. Quand on sait les liens qu'il a fait entre Thor et de Jason Aaron et son Venom à lui, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire en liant tout ça maintenant qu'il a vraiment les deux en main et à lui seul. Donc Venom 20, excellent à lire absolument, à lire absolument. Ouais, bah moi Mmh. je plus sois, hein, c'était avant d'entrer dans le trouble, on va dire, on peut dire ça comme ça, Boris, de Venom Island. C'est vrai que c'était quand même quelque chose. Moi ce que Kate fait avec Dylan, j'adore. Ce personnage, je trouve, a beaucoup plus que le simple ajout comme ça pour la forme, parce qu'il faut que j'ajoute quelque chose. Voilà, il dit quelque chose de Brock, il dit quelque chose des symbiotes aussi, et vraiment, j'aime beaucoup ce personnage et la relation qu'il a avec Brock. Non, c'est génial, vraiment génial. C'est un des seuls Ouais, trucs je me qui souviens m'a avoir fait beaucoup aimé. m'accrocher pendant Venom Island, quoi. C'est voir ce que devenait Dylan. Parce que C'est vrai que l'histoire. Venom Island, Ouais. ouais, c'est pas ce Bah, que surtout sa Kate a conclusion en mieux. 25, c'est un peu dur. Enfin, c'est un peu dur. C'est un peu dur à lire, quoi. On en a déjà parlé, ouais, c'est un peu le. C'est un peu dommage. Bref. Enfin, Mais par contre, et ce qu'il a tu. en ce moment est en VO Venom Beyond, du coup. Qui a commencé au numéro 28, je crois, de la série. Là, mon intérêt est remonté. C'est vrai, t'as lu le. Moi, j'ai trouvé que c'était très moche. Je sais plus on en a parlé la dernière fois. C'est pas. Oui. Bon. Qui au dessin, c'est pas beau. Alors après, si tu te souviens, la fin est intrigante et Oui, amène des c'est choses, mais cette petite après, fin qui il y a quand même m'intrigue. une grosse partie de l'épisode, c'est de la baston et du. Enfin, il Oui. aurait pu raccourcir, quoi. Vous Voilà. lisez Thor? Oui. Oui, moi je lis Thor. C'est lié ou pas, sans trop en dire? Moi, je trouve que. Enfin, c'est pas la meilleure série de Donny Cates. Et je C'est trouve qu'il intéressant. prend beaucoup son temps quand même. Mais oui, Je effectivement, trouvais que il c'était prend long son le temps. premier arc. Prend son temps et on attend un peu quand même qu'il relie tout ça. Il l'avait annoncé, hein, que c'était son personnage préféré et que c'était l'aboutissement, on va dire, un peu de tous ses travaux. Et alors peut-être que je sais pas, je deviens blasé par rapport à ce qu'il fait, mais tellement ça a été bon pendant très longtemps, mais je suis pas complètement fan, moi, de ce qu'il fait sur toi. Ah, ok. Bon, en même temps, Bon, après. moi, là où j'en suis, Absolute Carnage, c'est le meilleur event que j'ai lu depuis Ah oui, ça c'est très Secret très Wars. bon. C'est excellent, oui. Oui, là, t'es vraiment dans le meilleur moment du run, clairement. Venom Island est un peu en dessous. Moi, je trouve que ça remonte après, sans atteindre des niveaux de folie et tout. Mais après, voilà, on connaît un peu le père Kate. Et ça va monter encore. Ça va monter Qu'est-ce que je voulais dire? jusqu'à King in Black. Ça va monter, ça va ne faire que monter. Et King in Black va être un espèce d'Absolute Carnage 2, une espèce d'explosion dans tous les Par sens. contre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Par contre, il serait peut-être temps, à l'issue de ce King Black, de peut-être pas de clôturer, mais de tirer un trait assez épais sur Knull. Parce que c'est malgré tout Oui. un personnage qui est là depuis Venom 1, qui en fait est là depuis bien plus longtemps, parce que Donny Cates est assez malin, il nous a fait comprendre que Knull était l'une des grandes entités Marvel, au même titre que, je sais pas, le Tribunal Vivant, par exemple. Donc, c'est vrai que le personnage revient souvent, est souvent mis en échec, mais pas suffisamment pour qu'on l'enterre définitivement. Donc, voilà, il serait peut-être temps cette fois, bah, je lui fais totalement confiance, et à mon avis, à la fin de Killing Black, il va devoir mettre un point à la fin de sa page, mais j'espère que ce sera fait, vraiment. Moi, j'espère, là, tu parlais de que ça va monter jusqu'à King Black. Moi, j'espère juste que ça va pas être les montagnes russes, c'est-à-dire avec des events tous les 6 mois, Ouais. où il met le paquet, où c'est vraiment excellent comme Absolute Carnage. Puis entre les deux, la série redescend parce que bon, voilà, on fait une petite transition un peu pépère avec des arcs pas forcément palpitants. Et puis on remonte, etc. Donc, ce que j'avais trouvé justement jusqu'au 20, là, à la fin d'Absolute Carnage, vraiment Venom, c'était vraiment le haut du panier sans faiblesse, quoi. Et Ouais. c'est vrai que le Venom Island, c'est poussif. Moi, je suis pas encore totalement convaincu par l'arc qui suit. Bon, voilà, s'il faut se taper 6-7 numéros de la série régulière pour que ça remonte Au niveau des réellement, artistes, c'est c'est un qui prend peu. la suite après le 20? Alors, c'est Mark Bagley. sur Venom Ouais. Island, donc c'est Mmh. pas mal. Ouais. Après, je sais même pas comment il s'appelle le gars d'après, j'en avais parlé l'autre fois, mais c'est pas beau Oh, bah alors j'avoue le que début j'ai pas de son Batman nom, Beyond là. non plus. Pour rebondir ce que t'as dit, sur ce que t'as dit Boris, pour moi, clairement, si on voit pas Ryan Stegman sur la couverture, on sait que ça va pas être un point culminant du run. Ouais, C'est pas tu faux. Je crois, t'as pense ce... qu'une fois le run terminé, si on ne lit que les épisodes de Ryan Stegman, on a un truc qui se tient et qui va être absolument dingue. On pourra, à mon avis, enlever tout le reste qu'il n'a pas dessiné, qui n'est que du remplissage pour lui laisser le temps d'avancer sur le reste. Là, Venom 20, c'est Iban Colo. Maintenant, c'est Iban Colo, mais c'est Taïn Absolute Carnage. Donc, à Oui, mon là, avis, tu prends le c'est assez numéro Ryan différent, du coup. Stegman Ouais, et mais Taïn. le scénario est excellent quand même. Là, la suite, le scénario est quand même en dessous, globalement. Mais Ok. effectivement, hein, après, quand je l'avais interviewé, il avait dit qu'il reviendrait sur Venom. Donc, normalement, il devrait refaire des épisodes un peu plus tard. Mais bon, là, à mon avis, il est un peu occupé à King Black. C'est évident. Peut-être qu'en 2021, il va revenir un peu sur la série, ce Ou qui alors serait pas peut-être mal. que ce qu'il t'a dit à ce moment-là, c'était pour parler de King in Black et de ce morceau-là, Ouais, parce que mais c'est du Venom. Tu Ce qu'il crois qu'il m'a faudrait espérer menti? aussi, ce qu'il Je te faudrait dis pas qu'il espérer t'a aussi, menti. c'est que King in Black est plus ou moins le même statut qu'Absolute Carnage, c'est-à-dire un event, mais enfin, ce qu'aurait dû être un arc de Venom qui devient une mini-série dédiée à part entière, mais réduite à la sphère Venom. Et Non. c'était Ouais, ça mais... qui était assez appréciable, voire même assez génial dans Absolute Carnage, c'est que quelqu'un qui ne lisait par exemple que les X-Men n'était pas obligé de se farcir Absolute Carnage. Il aurait raté ce qui sortait de meilleur chez Panini à ce moment-là, mais c'était son choix. Bah, le problème, c'est que ça a marché, Absolute Carnage, et que du coup, bah, King Black, on ne laisse pas faire ça dans son coin. Il faut un lien impacter un peu Non, les autres. ouais, j'ai vu que, à mon grand dam, que le Daredevil 26 était tie-in à King Black. J'ai vu ça tout à Le l'heure en problème, c'est que regardant les ça. dessinateurs, et ça me gonfle. Mais je crois que oui, ça va pas être l'équivalent de Absolute Carnage. Ils vont vouloir faire un gros machin avec plein Bah, de tie-in à droite à gauche, mais ça va encore être fatigant. bah, War of Dommage. the Realms, le dernier truc qui a plus ou moins ce même statut, c'est pas très bon à cause de ça. Hein. Oui, bah, ils veulent toujours ramener du cash, hein. Oui. C'est ça, Toujours hein. plus, toujours plus. Toujours plus. Bon. Et Après, sinon, puisqu'on on parle de verra ce que cash, Zdarsky fera. ouais, tu parlais de Panini, et tu as dit que le reste du mag était moisi. On se retrouve encore avec le problème de Panini, que si voilà, on a un tie-in nécessaire, puisque c'est la conclusion, tu l'as dit, de l'event. Et donc, si on veut suivre ça, il faut payer 8,90 pour avoir un épisode, quoi. C'est Soit là où on voit correct. aussi le Et piège c'est là où du... le prix désormais exorbitant pose problème, quoi. Et on voit aussi le piège du format un peu mensuel, etc. Parce que cet épisode, sa place était dans Absolute Carnage. Mais Bah oui, il aurait dû le mettre. c'est un épisode de la série Venom, il faut le mettre dans le mensuel Venom. Bah, s'ils faisaient correctement peut-être les choses, ils auraient pu le mettre dans les deux. Ça aurait pas forcément. Peut-être qu'il y a des gens qui suivent Alors que là, Venom et s'ils mettent ça dans les deux, bon. ça va En râler même temps, si. parce que Ouais, double c'est vrai. duplication. Ouais. Non, mais j'allais dire, celui qui suit que Venom, il s'intéresse pas à Absolute Carnage, mais enfin, s'il fait ça, ça a aucun intérêt. Donc, enfin, voilà, Bah, c'était pour râler après, tu peux encore un toujours peu. dire que dans Venom, tu as quand même Ruins of Ravencroft qui a une certaine signification dans Absolute Carnage. Donc, ça peut se comprendre. Mais dans les faits, je m'en souviens pas de ces numéros. Oh Donc, non. alors que Non, mais Venom 20, je m'en souviens. c'est le prix qui pose problème. Si c'était encore 5 balles comme il y a quelques années, bon, c'est un tout petit peu plus qu'un épisode VO, t'as l'équivalent, quoi. Ah oui, Donc bah oui, bon, c'est deux fois le t'es prix. prêt. Voilà, là, c'est quasiment 10 balles pour un épisode, quoi. Donc là, tu réfléchis peut-être à deux fois. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris Absolute Carnage et qui n'ont pas pris le Venom pour avoir la conclusion et à qui ça va manquer. C'est con. Enfin, c'est con. C'est pas que c'est con, c'est que c'est malheureux. Je peux le dire comme ça. Ouais, et Eh puis oui. après, en librairie, j'ai peur qu'ils sortent un énorme truc, un absolu qu'on. Bah, la Je sais pas, librairie, ils l'ont oui, peut-être ce déjà sera fait, d'ailleurs, j'ai Absolute pas suivi. Carnage. Ah bah là, le Je sais Absolute pas. Carnage en absolu, voilà, déjà c'est dans le nom, donc j'ai envie de dire. Oui, ça coûte. Ils ont pas, ils se sont dit, ils ont vu Absolute sur la couverture, ils ont dit, ah, ça, on le fait en absolu, c'est ça? Ça veut Bien dire qu'ils ont sûr. pas réfléchi, Alors, en même pas temps, gentil. t'imagines Absolute Carnage. Ouais, c'est beau. Ça claque. Plus fort que Marvel. Effectivement. Ouais. Allez, J'ai on dit une va. bêtise parce que dans le max, c'est pas Spider-Man 12, c'est Superior Spider-Man 12. Ah oui, ok. Donc c'est encore moins intéressant. Oui. Allez, on va continuer sur le Panini, sur Marvel, avec quelque chose de bien plus intéressant que Superior Spider-Man 12. En tout cas, si on écoute tous les Oui. commentaires et les louanges que tu nous fais à propos de ça, en off. Oui, King Thor 4, dernier numéro de Jason Aaron. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. C'est peut-être pas la. Enfin, c'est une immense célébration. C'est pas le meilleur numéro de Jason Aaron sur Thor. Maintenant, c'est le numéro qu'il fallait. Ça, c'est assez évident. Le mec est parfaitement conscient de ce qu'il a fait, de l'immense réussite qu'il a eu entre les doigts depuis 2012. 2012. Donc, ça, là aussi, il met un point final à la grande saga Gore et la place des dieux dans tout son travail. Donc ça occupe les premières pages de ce numéro qui est un poil plus long qu'un numéro classique. C'est forcément dessiné par Ezra Drivich comme le reste de la mini-série King Thor. Et ensuite, une fois que ce problème est réglé dans une succession de litanies les plus folles les unes que les autres, c'est un peu. Certains diront pompeux. Maintenant, on est quand même là pour ça, surtout dans King Thor 4. Donc pas de souci là-dedans. Loki retrouve une place d'honneur. C'est incroyable d'ailleurs. Et la suite, donc, qui n'est pas dessinée par Ezra Drivich mais par Gabriel Valta, c'est on retrouve Shadrach, donc, qui était un personnage qui avait tout au début et qui était là aussi en fait dans les points chauds du run de Aaron, le passage avec les Shi'ar, le passage avec Mangog, voilà, tous les points critiques du run, Shadrach revient, donc, qui est ce dieu dont les fonctions varient en fonction des envies du scénario et du scénariste. On le retrouve dans la ville de l'Omnipotence, qui était la grande bibliothèque divine de Jason Aaron. Et en fait, il nous dit que, à la limite, le Thor qu'on connaît n'est pas le plus important. Ce qui compte dans Thor, c'est l'héritage du tonnerre et l'héritage du personnage, qui est une bonne manière de conclure quasiment 10 ans de travail. Et là, il nous fait voilà un multivers asgardien avec différentes versions de Thor, et à chaque fois le même héritage, la même justice, la même envie de répondre à l'appel. Et c'est super cool, c'est vraiment super cool. Il n'oublie pas non plus de traiter des personnages un poil plus annexes de son run, la place de Balder et de Carnila la Norne, qui voyait son statut modifié dans la guerre des royaumes. C'est adressé, c'est dessiné par Olivier Coipel. On apprécie le clin d'œil. Il va lui aussi, enfin Jason Aaron va ensuite renvoyer la balle au prochain auteur sur le personnage de Jane Foster. Donc on sait là aussi à la fin de la saga Mangog ce qui lui était arrivé et ses nouvelles fonctions sont pas les plus calmes, surtout quand on connaît le tempérament du personnage. Ensuite, donc ça c'est dessiné par Russell Dotterman, forcément. L'artiste aura compté autant qu'Ezra Drivich sur toutes ces années. Mike Del Mundo, artiste un petit peu plus anonyme, mais dont la patte et le trait est tout à fait personnel, s'occupe aussi de ces mots de conclusion. Et à la fin, le retour des Adribitch, forcément pour nous dire que le tonnerre est immortel, que ça résonnera toujours et que Thor continuera son voyage à la fin dans le grand noir. Et c'était super. C'est super. Je ne peux pas vous dire plus. Maintenant, bon, ça vous fait acheter Avenger 8. Et dans Avenger 8, vous allez retrouver du Avengers par Jason Aaron, bien moins bon. Dessiné par Ed McGuinness, qui est bien moins beau. Vous allez retrouver du Iron Man, qui est pas terrible non plus, qui a néanmoins le mérite de faire revenir Ultron Pym, un personnage que j'aime bien, et un numéro anecdotique de Captain America. Donc le problème du kiosque se pose de nouveau maintenant. Voilà, si vous êtes allé jusque-là en suivant Thor au fil des ans et au fil des aléas éditoriaux, c'est impossible de passer à côté de ce numéro. C'est la conclusion parfaite. La conclusion parfaite. Avec un petit coup de gueule tout de même. Un petit coup de gueule, oui, tu fais Bah bien de le oui. dire. Donc effectivement, numéro de conclusion, numéro qui est là aussi la fin de 10 ans de run. Donc forcément, Jason Aaron a dû écrire et a écrit un petit billet sur d'adieu, en fait, pour j'imagine, souligner l'importance qu'a eu le personnage, et je le comprends parfaitement, et peut-être même de souhaiter le meilleur à l'auteur qui récupère, et c'est pas le plus mauvais d'entre eux. Et donc, pour ça, il faut aller à la fin du kiosque, donc à la fin de Captain America, dans les deux paragraphes généraux de Panini, qui englobent un petit peu, qui fait le bilan de tout ce qu'on a lu. Bon, sauf que là, c'est quand même pas un numéro anodin, parce que c'est quand même la fin d'un run, peut-être même le meilleur run chez Marvel, mais bon, passons. Donc on a le droit à un extrait de ces mots d'adieu. Et si on veut l'intégrale, de ce petit billet, de ce petit article de revoir. Et il faudra acheter la version librairie. Donc, t'es niqué, quoi. T'es niqué, c'est à la fin. C'est dans les deux paragraphes de conclusion. Ce n'est pas à la fin du numéro. Ce n'est pas complet. Et si tu veux la version complète, bah, il faudra taper ce que j'imagine être le volume King Thor chez Panini, qui sera sans doute à 18 ou 28 euros, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis 18. 28 euros. Parce que ce sera beaucoup trop cher. Et là, tu auras le droit à la page finale de Jason Aaron. C'est assez scandaleux, c'est pas très grave. Mais ça coûtait quoi au lieu de mettre une page de pub ou je sais pas, dans les deux rabats, il y a deux rabats chez Panini. Et vu l'événement que c'est, il aurait peut-être été bon de profiter de ça. Mais apparemment, non. Quand tu dis que c'est pas très grave, moi je trouve au contraire que c'est plutôt très grave. Quand tu respectes un scénariste Oui, tu peux le voir comme ça. Maintenant, qui a fait un tel boulot, qui t'a fait vendre autant de bouquins, parce que Thor chez Panini, par Jason Aaron, je pense que ça s'est plus que bien vendu. bah oui. La moindre des politesses, c'est de laisser le mec dire au revoir sans faire un énième doigt d'honneur au lecteur en leur disant « Vous avez tout acheté? Ben, si vous voulez lire la lettre du mec que vous suivez depuis 10 ans dans le format mensuel, eh ben, il faudra repasser à la caisse. » En fait, voilà, pour moi, ça veut dire, c'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça s'est bien vendu, mais en librairie. Voilà. Donc, Ouais. oui, c'est vrai que j'ai été un peu calme parce que bon, je suis redescendu, mais ça aurait été bien de foutre le billet complet à la fin du numéro de Thor, dans une mise en page particulière, et pas après un numéro anodin de Captain America avant de parler d'Iron Man 2002. Surtout que la mise en Je page suis désolé. particulière, ils l'ont du single VO. C'était mis en forme, J'imagine, cette lettre j'imagine. d'adieu. Mais tu as prononcé la phrase qu'il fallait, Mathieu. Tu as dit si tu respectes le scénariste ou l'artiste. Et je rajouterais si tu respectes tes lecteurs. Et on voit bien depuis des années que Panini n'en a strictement rien à faire. Donc, Ça fait 10 ans que voilà. les gens suivent ça en Ouais, mais ils format s'en foutent. kiosque. Ils s'en foutent. Ils mettent l'édito du soi-disant Christian Grasse qui n'a jamais existé. Et ils font du blabla bidon, mais par contre, ils font pas l'effort de mettre une page supplémentaire. On voit bien comment ils sont radins sur le nombre de pages pour mettre cette lettre. Ils s'en foutent. Voilà, ils ont pas trouvé ça utile de rajouter une page, ça les fait chier, donc ils font pas quoi. Je crois qu'il faut pas chercher plus loin. Hein. On voit bien quand même le travail éditorial assez proche du néant qu'ils font quand même sur des éditions librairies, sur de, y a rien quoi. Enfin, c'est faible, c'est pauvre. Hein. Donc c'est pas nouveau malheureusement, mais là c'est tu as employé le mot de scandaleux, Anthony. Bon, effectivement, c'est pas quelque chose dans l'absolu de très grave, mais non, voilà, pour les amoureux des comics et ceux qui ont suivi la série, c'est scandaleux quand même d'être obligé de, si on veut voir la lettre, d'aller payer un truc qu'on a déjà lu en plus. Et si on prend les mensuels, en plus, c'est sans doute que soit on est attaché à ce type de publication, soit on n'a pas forcément les moyens d'aller acheter en librairie, vu les prix qu'ils pratiquent. Donc, C'est lamentable, quoi. la place de la pub d'Onovix à 20 euros, il aurait peut-être Voilà, été bah judicieux de oui. mettre la lettre d'adieu de Jason Aaron, mais c'est avec mon avis. Oui, non, mais ça démontre juste la vision qu'ils ont. C'est un business. Et puis voilà, c'est tout. Ils s'en foutent. Ça les intéresse pas, quoi. Ouais, Enfin, ce n'est allez. que mon avis. On va faire ça servira de belle transition pour passer à la VO. Alors la VO, on a quand même quelques titres. Ouais. J'espère que ce sera aussi intéressant que Le cette titre partie VF qu'on qui a lu était, tous ma les deux. foi, bien agréable au niveau des digressions et tout ça qu'on a fait. On va commencer, comme en VF, par du Batman, parce qu'après tout, Batman is everywhere. Et on va commencer avec le gros, gros, gros événement vendu, un gros renfort de promotion par DC Comics et un gros renfort de variant cover. Évidemment, Geoff Jones, Jason Fabok, Batman Three Jokers, Ah. numéro 1 et 2. Boris, je te laisse ouvrir le Alors feu. là, j'écoute. Ok. Okay. Bon, on va pas trop en révéler parce que tu vas le lire, donc on va pas te Ah le oui, non, spoiler. je vais le dire, oui. On va juste donner quelques pistes narratives. Mais donc déjà, Batman Three Jokers, si je me trompe pas, c'est apparu pour la première fois dans le Justice League 50, dans le New 50 ou 52. 52, je ne sais pas, en tout cas la fin de Darkseid War. Voilà, Tout à fait. ceci par Geoff Jones. Puis ensuite, ça a dû être remis un peu dans le DC Rebirth Tout à Universe, fait. ou Universe Rebirth, je ne sais plus dans quel sens. En fait, je crois, je me permets de parler de ça parce que je l'ai lu, mais je crois que dans le Justice League 50, Batman est sur la chaise De métron. du Métron. divin dont j'ai oublié le Métron. nom, Métron, pose Métron. la question de savoir qui est le Joker. Et là, bon, t'as pas la réponse, mais tu as l'étonnement sourd de Batman. Je crois qu'on a que ça dans le Justice League, et c'est dans Oui. le DC Universe Rebirth qu'on a Tout les à fait. trois portraits. Tout à fait. C'est dans le DC Universe ou Rebirth numéro 1, le one shot, où on apprend ce qu'a appris Batman sur la chaise de Métron. Le fait Et que, donc, eh c'est ben, il ça. n'y en a pas un, mais il y en a trois. Des Et Jokers. effectivement, révélation quand même assez choc hein, pour le Oui. lecteur Ah bah habitué oui. Donc il date de Et intéressé. 2016. C'est quand même. Tellement choc qu'on Voilà. n'a jamais eu la réponse. Voilà. Et là, on est censé l'avoir. Hein. Donc c'est une mini en trois parties, publiée dans le DC Black Label, évidemment. Donc scénarisée par Geoff Johns, qui est le coupable de toutes ces intrigues depuis 4 ans. Jason Fabok au dessin, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et aux couleurs, Brad Anderson, un coloriste canadien dont vous pourrez entendre bientôt parler sur le site. Je n'en dis pas plus. Le numéro 1, Geoff Johns propose l'intrigue suivante. Il survient trois crimes dans Gotham qui sont clairement, par les indices laissés, l'œuvre du Joker, mais ce sont trois crimes qui sont commis simultanément. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, une des pistes possibles est qu'il n'y aurait pas un, mais trois Jokers. Batman enquête, Batgirl enquête, Red Hood enquête aussi, et ils vont finir par plus ou moins unir leurs forces, on va dire, pour mener cette enquête. Bon, au niveau de l'intrigue de base, je vais peut-être pas en dire plus, ça suffit. Donc, c'est cette histoire de trois Jokers qui va mener normalement la mini-série. Donc, ce qui intéresse surtout Geoff Johns dans cette mini pour l'instant, c'est quand même le traumatisme des héros là, qui ont chacun subi les méfaits du Joker dans le passé et donc il va référencer énormément de travaux précédents, dont le Killing Joke d'Alan Moore évidemment, mais aussi le travail de Steven Gillard dans les années 70 avec ses fameux poissons Joker. Là. Oui. Je pense que tout le monde connaît la cover. Le travail de Jim Starlin aussi sur comment ça s'appelle? Death of. Death is a family. Merci, Death in the Family. Voilà. Donc, un certain nombre d'œuvres phares, on va dire, de l'histoire de Batman et du Joker qui Death of sont. the Family est aussi un chef-d'œuvre, pas évident. Ouais, un autre. Un autre, un autre. Donc il réinvestit tout ça et donc il traite beaucoup du traumatisme et je trouve que cette partie-là est plutôt particulièrement bien faite, surtout dans le deuxième où c'est quand même pas mal accentué. Alors le premier, moi, m'a pas mal bluffé, je suis bien rentré dedans et le cliffhanger du premier est quand même ultra choc, il faut le dire. Ouais, Ça laisse sur taré, le cul quand c'est même, hein, il taré. Moi, faut. jamais je ne me serais attendu à lire ça dans un comics Batman ou machin. Même si on connaît le personnage, même si si, même si ça. Enfin, jamais j'aurais pensé qu'on puisse lire ça. Je suis d'accord. Voilà, donc ça fait bien, bien, bien monter quand même la tension la fin. Voilà, on se dit vivement le 2, quoi. Le numéro 2 a des qualités, mais a aussi plus de défauts, je trouve. Déjà, quelques facilités scénaristiques. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait notamment une scène, alors comment on va dire, avec les pseudo-zombies jokerisés, là, dans la piscine. J'ai trouvé que la scène avec. Je te fais peur. C'est cryptique, c'est cryptique. J'essaye d'être cryptique. Voilà, ceux qui l'auront lu Le coup de la comprendront. ceinture et de la voiture, moi j'ai trouvé ça trop facile, quoi. C'est totalement improbable et ça me paraissait un peu bizarre. Et puis voilà, on voit toujours des personnages à jokeriser, à tire-larigot. Ça m'a un peu. Je me suis dit encore. Voilà, ça c'est une des facilités par exemple. Et puis surtout le coup des trois jokers qui semble, si j'ai bien compris, et on avait l'air à peu près d'accord en off, Mathieu. Faire un peu pchit quand même, hein. Ça Je sais semble pas. pas être. Je sais Je pas, ne mais sais en pas, tout on va cas, attendre le troisième, la fin, ça. Voilà. mais ça semble tout basique et tout con, quoi. Enfin, et faire tout un mystère pendant 4 ans pour rien. Pour l'instant, moi j'en suis là. Pour l'instant, j'ai tendance à ne pas vouloir en être là, mais malgré tout, à bien être obligé d'admettre ce que j'ai lu. Ouais. Alors, soit il va nous garder une énorme surprise pour la fin. Ça me. Le troisième épisode, mais ça, je vois pas comment il pourrait retourner la situation, quoi, Moi, ça m'étonnerait qu'il en ne nous réinvestir réserve pas quelque quelque chose chose, au contraire. de plus fort. J'ai pas compris, Au excuse-moi, t'as contraire, dit ça quoi? m'étonnerait qu'il ne nous réserve pas quelque chose. On ne peut pas en Ouais, rester mais sur ce qui nous est ouais, sous-entendu dans ce numéro 2. si ça reste là-dessus, de ce point de vue-là, ce sera extrêmement décevant, Oui. clairement. 4 ans et demi pour ça, franchement, ce serait C'est pour ça qu'on ridicule. passera pas là-dessus. Après, en termes d'écriture, le deuxième est un peu moins bon. Mais ça reste quand même du bon, quoi. C'est Du ultra bon comique référencé malgré tout. Batman. C'est. Ouais, Je vais vous poser les questions de personnes qui ne l'a pas encore lu. Alors, dans Justice League, à la question qui est le Joker, la chaise a répondu ils sont trois. Déjà, il y avait une première entourloupe. Et maintenant, à la question, enfin, on sait qu'ils sont trois, à la question qui ils sont, est-ce que cette question, elle est répondue par oui ou par non, mais est-ce qu'elle est répondue? Elle a répondu Dans oui, ces... on. Oui, on. Oui ou non? Bah, on en est qu'aux deux, il reste une dernière partie. On a trois tu fais identités, en même temps, on a trois identités qui sont données, ils ont chacun un nom, un surnom. Il y en a un qui a clairement un nom et un prénom, si je me trompe pas, Boris. Il y en a un des trois qui a un nom et un prénom. Donc il y a bien trois jokers. Ah, ça je sais pas. tu viens de me dire qu'ils ont trois noms et trois prénoms. Non, ils ont chacun. Ils nous en présentent trois. Voilà. Ils nous en présentent trois, mais dans le deuxième, il y a des évolutions qui fait que on se pose vraiment la question, est-ce qu'ils sont vraiment trois? Voilà. Et si c'est pas le cas, et si ce qu'ils proposent là, c'est la révélation entre guillemets, c'est bidon. Est-ce que et dernière question, est-ce que ça, comment formuler ça? Est-ce que ça vient chatouiller l'idée qu'avait eu ce génie de Scott Snyder sur l'idée que le Joker, alors qui était aussi une fumisterie, mais qui est l'idée que le Joker pouvait être une sorte d'entité du mal qui passait d'époque en époque. Est-ce que ça vient toucher ça? Non, il n'y a rien là. Enfin, okay, moi, j'ai pas. Ok, ok. J'ai pas Après, je. Okay, ça. Alors, je ne maîtrise pas le Snyder dans le texte, mais. Mathieu ça, va je très bien. Pas, je verrai pas de lien. On est beaucoup plus terre à terre, entre guillemets, okay, alors ouais, ça, c'est que ça. Plus basique, c'est plus basique. Oui. Bon. Maintenant, voilà. Mon avis est à peu près le même que celui de Boris. Le premier numéro m'a jeté des paillettes dans les yeux à la fin avec ce cliffhanger. Le deuxième, effectivement, retombe un peu, mais ça reste quand même ultra référencé. Il y a énormément, énormément de références à tous les travaux qu'il lit Batman et le Joker. Il y en a partout. Fabok, il y en a partout aussi. Ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est du haut niveau. Je crois qu'il a jamais été aussi bon. Hein, non, il est clairement. Ah ouais, c'est mieux que sur Justice League. Ouais, je trouve, moi. Ouais, enfin, franchement, il y a longtemps, j'en avais pas lu, lu des pages de Fabok. Et à l'ouverture du premier, j'y étais, mais sur les fesses. Quand la, même. La dernière fois qu'on a vu Fabok, ça devait être dans Justice League versus Suicide Squad. C'est pas lui qui est sur Doomsday Clock ? Non, c'est Gary Frank. Ah oui, Gary Frank, pardon. Oui, bon, bah voilà. Donc oui, effectivement, c'est vieux. Non, c'est du... Pouah. Sinon, graphiquement, c'est fou. Après, voilà, il y a ce numéro 2 qui... Oui, il faut qu'il y ait quelque chose. Il y aura quelque dans chose. Le 3. Sinon, c'est pas possible. Enfin, sinon, c'est se moquer du monde quand même. C'est pas Geoff Jones dès le numéro 2 sur 3 tout nous dire. C'est pas possible. C'est pas le genre du mec. Il a fait une série en 3 parties. Ça fait des années qu'il est dessus. C'est pas pour que la 3e partie ne serve à rien et ne nous retourne pas tout ce qu'on vient d'avoir là dans le numéro 2. Enfin, dans la construction, pour moi, ça paraît évident. Qu'on va nous sortir un truc dans le numéro 3, c'est quand même à chaque fois une cinquantaine de pages, hein, donc il a le temps de nous raconter des choses et de vraiment nous expliquer qu'en fait ce qui nous sous-entend dans le numéro 2, c'était juste pour nous emmerder et que la vérité est bien ailleurs. J'ai encore vachement confiance. Maintenant, à la hauteur de cette confiance, je vous laisse imaginer la déception si jamais le numéro 3 ne... C'est des numéros qui sont plus longs. Ah oui, oui, oui, c'est du dos carré. Hein. C'est du dos carré, on est pages, sur une bonne quarantaine de pages. Ok. Bon, pas loin de 50, je dirais, ouais. Ouf, ouais. 40-46, quoi, je vois être 46 pages de format. Le dernier numéro en VF, en VO, pardon, sort la fin du mois d'octobre, le 27, je crois, ou le 30, je sais plus. Donc là, c'est dans 3 semaines. En VF, ça va être assez rapide, je pense. Hein. Ouais, au printemps, peut-être. Fin d'hiver, début de printemps. Urban est en train de faire ses annonces pour janvier. Là, il m'étonnerait pas que sur février-mars. Voilà. Si on avait été dans une période normale, je parle du contexte sanitaire, il nous l'aurait sorti en février. Parce qu'Angoulême en janvier. Et parce que ça fait bien de faire venir les zones Fabok ou quelqu'un comme ça à Angoulême. Maintenant, il n'y a pas d'Angoulême cette année. Oui, c'est sûr. Donc. Il faudra peut-être attendre mars, mais printemps, oui, pas plus tard. Ouais, c'est du Batman, c'est du Joker, c'est combo magique, quoi. Ils vont le rusher, celui-là, ils vont vite le sortir, hein, t'inquiète pas. Oui, surtout que maintenant, oui, ça, il était tellement attendu et qu'il est... On peut pas dire que ce soit dans la continuité, clairement. Enfin, il y avait Voilà, quand même c'était ça des que je voulais choses. adresser sur la suite de la discussion. C'est la continuité. On nous l'a installé dans Justice League 50, on nous l'a mis dans DC Universe Rebirth, on nous promet que ça est lié à la continuité, que ça va avoir un impact sur la continuité, enfin depuis que l'histoire, le projet de cette histoire existe là. Et maintenant, on lit des propos de Geoff Jones qui dit, enfin, de John Fabok plutôt, qui dit, si DC veut bien en faire quelque chose, ça aura un vrai impact. Maintenant, si DC veut bien en faire quelque chose, DC peut donner son intention, il l'a mis dans le Black Label. Après, si c'est dans le Black Label, ça peut laisser la liberté de faire un truc assez magistral sur la fin aussi. Oui, mais du coup, Oui, ça mais ce n'aura sera pas cet pas impact promis sur la ça. continuité depuis le départ. Après, je l'ai pas lu encore, mais 12e Clock, ça compte pas. Doomsday Clock, ça compte pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui l'ont écrit surtout, pour le Ouais, moment. d'accord. Ouais, ce sera pareil. Ouais. Après, voilà. Moi, j'ai encore vachement confiance et je suis plutôt hypé pour ce troisième numéro. Urban va nous le sortir en grande pompe. Vu le nombre de couvertures que Fabok a fait sur les trois numéros, on va être à 16 couvertures. Je mets ma petite pièce pour le fait qu'on ait au moins deux ou trois versions différentes chez Urban. Ils nous l'ont fait pour DC's, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour ça. Oui, ça sent très bon de ce côté-là. Maintenant, moi, ce que j'ai C'est envie de plaisant. voir, c'est une version en noir et blanc. Ouais, je sais pas, je suis Je pas suis fan prêt moi à passer à la caisse. Moi, j'adore le noir et je blanc sais. et du Fabok en noir et Ouais, blanc, je comme pense Boris. que. Parce que là, je trouve que le travail sur les couleurs est quand même Oui, il est intéressant. très bon. Ça, moi, je me suis quand j'ai ouvert le premier numéro, moi, il y avait les dessins et je me suis dit en termes de couleurs, c'est un classique de Batman, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait un travail qui faisait qu'on était vraiment dans du classique et de l'hommage, un vrai Intemporel. travail quoi par rapport aux œuvres référencées quoi. J'ai Oui, trouvé qu'il y avait eu graphiquement, ça emprunte quelque chose tellement à de toutes les époques que vraiment. ça en devient intemporel. Et après peut-être qu'en noir et blanc, Après, on moi, verra ce qu'ils je vont nous suis sortir. adepte des dessins justes, ancrés, Ouais. etc. Et Fabok est tellement haut là-dessus que j'ai tellement juste, en fait, c'est juste que j'ai tellement envie de voir son travail original brut, tu vois. Ouais. Que voilà, je cracherai pas sur une version noir et blanc. Après, oui, c'est pas indispensable, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est... Donc Rendez-vous voilà. dans un mois pour le numéro 3. Oui, ben on en reparlera Oh, on sans en doute le reparlera prochain. ici, c'est certain. Effectivement. Maintenant, on va parler toujours de Batman, mais de l'autre, la série principale, la vraie, celle qui est Je te écrite laisse par James seul Tynion, responsable de tes propos. celle qui est écrite par James Tynion fort et qui t'enthousiasme tant, Boris. Vas-y. Le début de Run a été laborieux, bordel. Je suis d'accord. Oula. Le début de cette Joker War. Alors Joker War, c'est le truc qu'on nous met en ligne de mire depuis tellement longtemps. Je crois que même déjà à l'époque où c'était encore Tom King, il y avait cette espèce de promesse de Joker War. Je sais pas si elle venait de DC ou de Tom King ou de James Tynion IV qui préparait déjà ces trucs, mais en tout cas voilà, ça fait très très très longtemps qu'on nous la promettait. Son début est poussif. Jusqu'au 99, ça ne fait que progresser, sans jamais, je te le disais Boris, sans jamais dépasser le stade du ouais, ok, c'est cool, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, moi, ce numéro 100, il m'a quand même bien plu. Dans ce numéro 100, c'est la première fois que je retrouve James Tynion Force sur Batman, et que je retrouve James Tynion Force sur la Bat-Family, et que du coup, j'ai des airs de ce que j'attendais en fait. Quand on m'annonce James Tynion Force sur Batman, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Détective Comics et à ce qu'il nous a fait. Et c'est la première fois où, depuis le début de son run, j'ai l'impression que ça peut tenir la comparaison. Du coup, bah forcément, ce numéro, pour moi, c'est jusque-là ce qu'il a fait de mieux sur son run. Parce Les qu'il y a pas. numéros qu'il avait fait avec le merde, le putain, le Robin Batman du Team futur. Deck, Team Drake, ouais. Tim Drake, oh putain, j'étais sûr. Oui, Tim Drake du futur, c'était excellent. Oui. Et moi, C'était excellent. j'attendais de voir cette Bat-Family. Il l'avait tellement aimé et tellement mise en valeur dans Detective Comics que merde quoi. Mais le problème, c'est que c'est le titre Batman principal. On peut pas parler de la Bat-Family. Il faut parler de Batman parce que c'est le titre Batman. C'est pas Detective Comics. Il m'a fallu un peu de temps pour accepter ça. Et au moment où je l'ai accepté, bah là, il nous sort un numéro 100 avec pas forcément une grosse présence en termes de nombre de pages, mais en termes d'importance dans la résolution de Joker War majeure de la Bat-Family. Et du coup, bah moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir un numéro qui s'ouvre. Attention, spoiler, de toute façon, Boris, j'ai pas l'impression que ça te Vas-y, bouleverse. spoil. Voilà, voir Batgirl qui rallume ses ordinateurs et qui dit à ses ordinateurs, annonce à tout le monde qu'Oracle est de retour. Waouh! Bah moi, ça me fait un petit quelque chose. Ça me chatouille. Voilà, Et un numéro de Batman avec Oracle, bah ouais, ça me plaît. Le rôle qu'il donne à Nightwing aussi, ce n'est plus un secret, c'est marqué sur toutes les covers depuis plusieurs numéros, est redevenu Nightwing, à vous de découvrir comment dans la série. Bah ouais, ça me plaît aussi. Même ce que Punchline devient dans cet épisode peut être intéressant. Donc moi, Ah ouais, ouais, quand même. je suis... Bah, disons que elle a un petit discours. Je vais pas vous parler de l'impact de Joker War, de ce qu'il advient de Joker, de ce qu'il advient de Batman, Et c'est etc. fini ça? C'est le dernier épisode, c'est fini Joker War. Ok. Je vous parle pas de l'impact de la conclusion, de... Voilà, je... Mais la petite punchline, là, elle a un discours, elle a une petite page, là, où elle dit des choses... Voilà, ça va, ça colle, quoi. Après, il y a deux petites histoires. Il y en a une sur le Clown Hunter, personnage introduit dans le 98-99, surtout, qui dézingue des clowns à tout va, et qui tue allègrement avec un batarang accroché à une batte. Oh. Ouais, il est vraiment sans concession ce personnage, et on a enfin une confrontation entre lui et Batman dans une petite histoire courte. C'est ce que j'attendais de voir de ce personnage-là, quoi. Il est hyper provocateur, il est violent dans ses propos et dans sa façon de penser et dans ses actes. Et Batman qui vient pour essayer dans un petit histoire qui s'appelle l'intervention. Voilà, qui vient faire une intervention pour essayer de le ramener un peu à la raison, entre guillemets, enfin de le menacer. Je sais pas ce que cherche Batman avec lui. Quand on voit ce qu'était le personnage, etc., on s'attendait à la fin qu'on a sur cette histoire courte, et c'est cool. Moi, j'ai envie de le revoir, j'aime bien ce Clown Hunter. Il secoue un peu le questionnement du est-ce que un ennemi qui revient sans cesse. Est-ce que c'est pas mort qu'on en sera vraiment débarrassé, quoi? Et Clown Hunter et Harley Quinn posent la question à Batman plusieurs fois, mettent Batman devant au pied du mur, et qu'est-ce qui se passera, vous verrez, mais la réflexion est intéressante. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce numéro 100. Je serais peut-être un des seuls, je sais pas, j'attends que tu l'aies lu, Boris. Mais Ouais, je sais pas, j'ai pas encore ce plaisir. j'ai bien aimé, Jiménez est bon sur ce Bon, numéro. ouais, il est bon depuis qu'il est arrivé sur la série, hein, quand même. Au Là, niveau dessin, c'est quand il se même fait très bon. plaisir. Il y a aussi du Guillem Marsh, du Carlos Pagulayan. Enfin, pas Carlos, Carlo Pagulayan, pardon. C'est solide, hein, graphiquement aussi. Voilà. J'attends ton retour pour en parler peut-être la prochaine fois. Ou sur une Ouais, review, si tu as le courage d'en faire une courte, nous verrons. ouais, j'aimerais. C'est normalement moi mon dernier numéro hein, de Batman prévu. Oui. J'ai prévu d'arrêter après tellement j'en ai soupé de ce début de run de Titanfall. Effectivement, il y avait alors le premier arc pré-Joker War était quand même très très très pénible C'est laborieux. avec le designer là. Ouh là là, qu'est-ce que c'était ennuyeux. Le début de la Joker War, je crois que c'était autour du 93. J'avais trouvé que ça a monté en 80... Le puissance. 92, c'est la première apparition de Punchline sur une cover. Joker War, partie 1, c'est 95. Alors ça peut-être juste avant, je sais plus. Enfin bon, il y avait un ou deux numéros où je t'ai dit ça y est, ça démarre, il est parti là. Et puis j'ai pris du retard et je me suis enfilé les 97, 18, 19 il y a quelques jours. Hein. Et alors quel ennui, mais quel ennui. On voit Batman sous l'emprise des toxines et qui hallucine pendant trois épisodes. Oui, ça c'est un Il se peu long. passe Je quasiment suis rien. d'accord. Quasiment rien. Enfin, il y a Harley Quinn qui est autour de lui qui tourne, il dialogue. On ne comprend pas forcément tout. Enfin, j'ai trouvé ça, mais d'un ennui, je crois que j'ai même pas réussi à. Enfin, j'ai sauté des pages à un moment parce que j'en pouvais plus. C'est bête parce que c'est un scénariste que j'aime beaucoup, notamment en indé, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, on en attendait quand même beaucoup après un Tom King, quand même, qui a pas mal divisé et qui, moi, m'a fait interrompre son run 10 numéros avant la fin, alors que bon, ça faisait déjà longtemps que j'en avais marre. Mais bon. Voilà, je me suis dit, je vais jusqu'au 100, c'est un numéro anniversaire, ça va peut-être péter un Oui, coup. puis avoir été Et jusque-là, jusqu'à la Joker War sans lire la voilà, fin, ça avoir aurait été le dernier, dommage. ça aurait été un peu bête. Et puis, si je veux un jour continuer, il faut quand même que je finisse l'arc. Je ne vais pas racheter un tome juste pour le 100. C'est sûr. Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, là, qu'il semble ouvrir des pistes pour avoir en fait ce qu'il avait fait sur Detective Comics, c'était pas seulement Batman, mais la Batman Family. Peut-être qu'en fait, écrire Batman tout seul, il sait pas ou ça l'intéresse pas. Peut-être. Peut-être. Et donc, alors peut-être qu'on lui a dit, OK, tu fais ce que tu veux. Et... Puisqu'a priori, au départ, il devait s'arrêter sur le Il 100. devait Hein. C'était s'arrêter ça qui là. Il devait était. s'arrêter à la fin du numéro 100 et laisser la. Et on le sent, hein. C'est une conclusion. Ben, clairement, tu veux arrêter le run de Tynion 4 ou tu veux arrêter la série Batman, machin. Tu peux le faire là. T'as une. Ben, évidemment, on t'ouvre la porte sur des choses. T'as des cliffhangers, t'as des trucs, des petites suggestions sur l'avenir. Mais c'est convenable comme porte de sortie. Ouais, et il le dit, hein, je sais plus où j'ai lu une interview ou un truc comme ça, où il dit que c'est au départ il devait s'en aller au 100, après le 100, et comme ça a bien fonctionné au niveau des ventes, ça c'est toujours le critère numéro un évidemment chez DC, ils ont décidé de le garder. Et tu parlais de Clown Hunter, c'est un des personnages effectivement qu'il a créé, et a priori on devrait en entendre parler Oui. dans la suite, Oui. avec Punchline qui bon, pour l'instant ne m'a pas vraiment Alors, convaincu. Punchline, je sais pas. Puisque, Ah ouais? en fait, dans les deux petites histoires, la première c'est sur Clown Hunter, donc le Clown Hunter, l'intervention de Batman, et on te dit To be continued in Batman 101, 102, je sais plus, 101. Donc tu sais qu'il revient direct, quoi. La deuxième histoire. Je vous dis pas sur quoi ça parle, de quoi ça parle, mais c'est pas Punchline, ou en tout cas de loin, et on te donne rendez-vous pareil prochainement dans Batman. Après, j'ai pas l'impression qu'on te donne clairement un rendez-vous avec Punchline. Mais elle a pas un... Non, elle a un numéro one shot, c'est ça, Elle a un qui va one shot, sortir. oui. Donc peut-être quand même, ils espèrent quand même capitaliser dessus, je suppose. Ou alors ils vont Je. l'extraire de la série Batman pour en faire une. Ils vont nous faire une série punchline, peut-être. Ils en sont Harley capables. Quinn n'a plus de série. Bah oui, voilà. Et Harley Ils ont Quinn trouvé. a un rôle dans ce numéro aussi important. Et peut-être que du coup, oui, ça peut. Voilà, je vous dis pas ce qui se passe avec Harley. Puis vu que la série Suicide Squad va s'arrêter, elle va plus être dans cette série, je sais pas, ouais. Bah, disons qu'Harley, ça fait plusieurs fois qu'on a l'impression que son statut peut changer, et là, plus que jamais. Donc à voir, je sais pas trop ce qu'elle peut devenir. Du coup, j'ai une question. Il y a le tome 1, pas le. Oui. Urban a eu une petite astuce avec en renommant sa collection Batman Joker War tome 1, parce que j'imagine que Batman tome je sais pas combien on est, 14 ou 13 avant, enfin je comprends c'est plus Moins. difficile à vendre, qui regroupe les numéros 86 et 93, donc qui sont la suite exacte du run de Tom King, c'est conseillé ou pas? C'est un arc 86-93. autour d'un personnage qui s'appelle le designer. Oui, tout à fait. Tu peux t'en passer, franchement. Enfin, ça, Bon. il y a peut-être quelques ramifications Lis le qui dernier interviennent dans épisode la pour Joker War, savoir, mais franchement. voilà, lis le dernier épisode pour savoir ce qu'est le designer, qui il est, machin, tout ça, pourquoi, comment, et encore, t'auras pas tout, mais voilà. Bon, Après le reste. ouais. Urban fera peut-être au début du tome 2, hein, ça suffit peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce que franchement, pfiouf. Ok, donc c'est pas une priorité. Non, Ok. Oh non, bah, non du tout. c'est beaucoup de temps et d'énergie pour au final pas grand-chose. Bien, très bien. Voilà pour ce Batman 100. Bah, faut moi je serai au rendez-vous du 101 parce qu'on m'a annoncé le Clown Hunter et du coup bah, j'ai envie d'en savoir plus sur lui maintenant que Joker War est terminé, voir un peu ce qu'il peut devenir. On va rester sur du, on va faire un petit tunnel Tynion 4. Hein. Tu sous-entendais qu'il Bah était meilleur en indé. oui, c'est-à-dire Et que ça tombe bien, il a une nouvelle il série est qui sort. ouais, il est un peu sur tous les fronts hein, quand même. Ouais. Et chez tous les Il a éditeurs. quatre séries, je crois. Aussi, Une, c'est vrai deux, trois, qu' quatre, ouais. il place ses pions. Il n'y a pas de problème. Alors, chez Image, cette Bah 5, fois-ci. puisqu'il a Justice League Dark. Il est plus sur Justice League Dark? Non, non, c'est Il est fini, plus. c'est Ram V maintenant. Et d'ailleurs, je les prends toujours, mais je les ai Ok. pas. J'ai pas lu, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il faudrait que je rattrape parce que quand même. Je m'achète tous les épisodes tous les mois et je les lis pas, donc c'est un peu embêtant. Non, non, ça, il a donc Wind, Something In is Killing Killing the the Children, Children Batman et la voilà, fameuse et. nouvelle Man The Department of Truth. Voilà, qu'il lance avec l'artiste Martin Simons. Alors, il a beaucoup communiqué hein, sur cette série. Je pense que c'est un. Et Image aussi, ouais. Ah, En termes de goodies, j'ai etc. eu un trou de son avec toi. C'est vrai? Ouais. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Je sais pas, j'ai peut-être. Je sais pas. C'est pas grave, Bon, vas-y. si je suis revenu, c'est bon. C'est essentiel. Oui. Alors, c'est pas facile à résumer quand même, comme Non. épisode et comme série. On va dire, pour faire simple et aller assez vite, il va s'intéresser à ce qu'on pourrait résumer par la théorie du complot et tous ces événements importants de l'histoire de l'Amérique, a priori plutôt récente, qui font nourrir chez certains groupes ou chez certaines personnes des théories du complot, comme quoi voilà, l'État ment et nous raconte des histoires. En gros, c'est ça. Il va prendre ce biais-là et sans doute raconter une histoire plus personnelle, puisque... Clairement, on le voit avec le cliff de fin que ce n'est pas la réalité. Hein, il détourne complètement la réalité. Ou alors c'est la réalité et on nous ment et voilà. Ah oui, tu crois que c'est lui, lui il va nous dire, hein, Hey, va bah, savoir. hein, peut-être, ah oui, j'avais pas réfléchi à ça moi. Oui, bon, on verra, hein, ce n'est que le premier épisode. Exact. Ce qui marque, il faut quand même le dire, ce qui marque d'entrée, c'est la partie graphique. Hein. Ça se voit déjà sur la couverture, mais bon, des fois, on a des couvertures légèrement mensongères, hein, on le sait bien. Là, en termes de graphisme, la couverture donne déjà le ton, même si c'est encore plus radical, on va dire, à l'intérieur. Donc, Martine Simmons, on en a convenu un peu tous les deux, et c'est toi qui as évoqué ce nom. Ça fait penser à Bill Sienkiewicz, par ce côté torturé, Moi, il y a des violent, cases, flamboyant. je me suis dit, waouh, c'est oui. Voilà, c'est des peintures, oui, torturées, écorchées, quoi, vraiment, avec des couleurs vives, des coups de pinceau. Des fois, c'est C'est vraiment, flou. vraiment impressionnant. C'est un peu flou, des fois, au début de Ouais. l'épisode, notamment, mais c'est justifié par l'histoire. Il y a vraiment un style graphique très, très, très marqué qui, à mon avis, plaira pas à tout le monde. On va Ouais, pas on va pas paraît se évident, ouais, je mentir. pense que. C'est pas dans du mainstream qu'on trouverait ce Voilà. genre de choses. Ceux qui aiment les dessins plus classiques, on va dire, vont être surpris et peut-être déçus. Mais ça va parfaitement, en fait, avec le ton de l'histoire qu'il se propose de raconter, hein. Ça participe grandement à l'ambiance et à la réussite de ce premier épisode. L'épisode est constitué un petit peu, on va dire, de deux interrogatoires, on peut dire ça comme ça. Un premier un petit peu court et puis le deuxième un peu plus long avec un personnage qu'on va découvrir en commun. C'est un poil bavard, j'ai trouvé quand même, par moment. Ça cause beaucoup, hein. Faut s'accrocher quand même, hein. Faut pas. Moi, je l'ai lu, j'étais un peu fatigué. Il y a un moment, Non, faut pas. voilà, c'était un peu dur. Faut reconnaître, c'est un poil bavard, mais c'est vrai que Tannion Fort, dans certaines séries, était déjà spécialiste un peu de ce défaut, entre C'est guillemets. bavard, mais c'est pas ronflant. Non, mais il faut s'accrocher, quoi. Voilà, il y a du texte, ça se lit pas, là aussi, ça se lit pas en 3 minutes. L'ambiance est bien posée. Dans quelle direction ça va aller sur le 2? Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure et le fait que j'avais pas pensé à ce que tu as dit, laisse penser qu'on ne sait pas encore totalement dans quelle direction il veut aller. Mais c'est totalement intrigant et d'un point de vue artistique, c'est quand même une proposition très ambitieuse, quoi. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, Oui. très bon début et vraiment intrigué de voir la suite. Donc ce personnage, moi, qu'on nous introduit de Cole Turner, qui est quelqu'un qui enquête sur justement toutes ces théories du complot, genre on n'a jamais marché sur la Lune, le complot autour de l'assassinat de Kennedy, la Terre est plate, enfin toutes ces théories-là qui semblent un peu folles pour le commun des mortels, mais auxquelles beaucoup d'Américains croient. Je l'aime bien ce petit personnage parce que il va être confronté quand même à ce fameux Department of Truth, département de la vérité pour ceux qui ne sont pas anglophones, qui va remettre en cause quand même, à mon avis, beaucoup de ses certitudes. Donc, ouais, moi j'ai un peu ce personnage, il me plaît bien. Le cliffhanger de fin et la Aussi. révélation de cette fameuse personne qu'on voit un peu en fil rouge depuis le début de l'épisode, moi je dis oui quoi. Ah oui, bah oui, ça, on s'y attend pas, clairement. Hein. Ah bah non. Enfin, Je t'avais puis pas. surtout que là, ouais, tu m'avais Ouais. prévenu. La partie graphique est telle on peut même pas se dire, on le reconnaît avant. Non, Enfin voilà, impossible. et puis voilà, il y a un jeu sur Impossible de les âges. s'imaginer. Enfin, Oui. c'est, ouais, non, c'est. Et puis ouais, on sent bien que le personnage, la Cole Turner, bah, on sent qu'il va être dépassé, le garçon. Hein, donc Oui. ça va proposer quelque chose d'intéressant. Il vient d'entrer dans un truc qu'il a clairement pas L'étoffe, ouais. les épaules, voilà, Ah. pour porter, pour affronter. Non, c'est clair. Donc voilà, bien, bien intéressé, bien accroché, hâte de voir ce numéro 2 et la suite. C'est une série régulière, c'est pas une mini, c'est pas annoncé comme une mini. Donc c'est cool, c'est cool. Un tandem sympathique et une série, ma foi intéressante. Et puis, là tu vas en parler ensuite, mais c'est une série différente de ce qu'il propose aussi ailleurs, dans ses autres séries, Window Ouais. Something is Killing the Children. Voilà. S'il propose pas tout le temps, il propose pas la même série chez deux éditeurs, on se dit oh, c'est un peu la même chose, il se foule pas trop. C'est vraiment totalement différent et Chaque c'est ça fois, qui est aussi ouais. intéressant. Dans Wind, puisque c'est de Wind dont je vais parler, je sais pas si j'avais parlé des autres du premier numéro, je crois, Si, on dans avait une fait émission le 1 et le 2, précédente. et la dernière fois, moi j'avais pas lu Voilà, le je 3 et vais j'ai parler toujours pas du lu 4 d'ailleurs. là principalement. Dans Wind, on pourrait être dans une histoire jeu de public, hein, clairement. C'est très doux, c'est très Ouais. mignon, c'est touchant. Les dessins de Michael Gallinas n'ont rien à voir avec les dessins de Martine Simmons. Non. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus coloré, lumineux, tout ce qu'on voudra. On est toujours derrière ce personnage de Wind qui a eu le malheur de naître différent et de naître surtout magique dans un monde où toute trace de magie doit absolument ne pas exister, être effacée, éradiquée, tout ce que vous voudrez, et où il y a un personnage, le Bandage Man, qui traque toutes les traces de magie et qui fait en sorte de faire disparaître, si possible violemment, toutes les personnes qui en portent. Et donc Wind va devoir fuir, couvert par ses proches, va croiser le chemin de ce fameux prince, de ce fameux qu'il observe depuis bien longtemps. Tous les matins, il monte au sommet sur le toit du restaurant dans lequel il travaille pour regarder à la jumelle. C'est le prince, hein? Non, c'est le jardinier. Je ne sais pas, Je les je confonds sais tout le temps. plus, j'ai du C'est le retard, jardinier. donc je sais plus. Pour regarder le jardinier faire son jogging, un petit peu amouraché qu'il est. Et là, il est avec lui, il se trouve avec lui dans ce voyage pour fuir, avec lui et le prince, et ça donne lieu à quelques petites scènes assez rigolotes, assez mignonnes. Et vraiment, ce numéro, c'est peut-être le plus touchant de tous, celui où on aborde le plus la question de naître différent, d'être différent, de le découvrir, de ne pas vouloir l'être, et malgré tout devoir l'accepter. Il y a vraiment jusque-là quelque chose qu'on n'avait pas vu chez Wind, qui est une colère profonde qu'il va exprimer dans ce numéro et qui va exprimer super justement dans les dialogues de Tynion Fort et dans les dessins de Dialinas. Et moi, ça en fait ce numéro 4 vraiment mon préféré depuis le début. Que ce soit dans la tension, parce qu'on sent que la menace du Bandage Man approche de plus en plus, se fait de plus en plus pressante. Et aussi dans l'émotion, parce que voilà ce que traverse Wind dans ce voyage, dans cette fuite, va le rattraper intérieurement. Et c'est vraiment un très très très très bon numéro 4. Il n'en reste plus qu'un pour terminer la série, qui pour moi, sera un graphic novel parfait à mettre dans les mains du jeune public, dans les mains d'ados ou de jeunes adultes qui aiment bien toutes ces questions-là de différence, d'identité, etc. Mais prises sous un autre angle. Le côté magique, choisir de parler de la différence à travers le fait de posséder des traces de magie, etc., veut dire quelque chose aussi sur ce que James Tynion Fort considère comme être différent. Il l'a déjà dit plusieurs fois, et voilà, et les gens normaux ne sont pas magiques pour James Tynion Fort dans la vie de tous les jours, et il le dit très très bien dans Wind, moi ça me plaît beaucoup la façon dont il le fait. Toi t'en es à deux Ouais, numéros, hein, tu m'as dit. j'avais pas réussi à choper le 3, donc je viens de le recevoir avec le 4, donc je m'enfile les deux. Mais effectivement, les deux premiers étaient très bons, très très très sympas. Et effectivement, dans cet esprit un peu, oui, un peu tout public, on va dire, c'était vraiment vraiment sympa. Ça va peut-être finir en Urban Link, ça, non? Je sais pas. Oh oui. Hein? Ce qui est dommage parce que ça va encore être un petit format alors que Ouais. c'est beau quoi. C'est vrai que leur format, enfin, je sais pas leur idée, mais c'est pas une bonne idée, je trouve, de ce Non. petit format, de réduire les planches et Non. puis avec un lettrage parfois illisible. On a déjà parlé, mais c'est pas, ouais, non, c'est pas top. C'est pas parce qu'on s'adresse à un public plus jeune, entre guillemets, qu'il faut forcément faire des formats différents. Donc bon, surtout, bon, après, c'est pas au niveau de tarif, c'est pas excessif. Ça peut faire des bons pavés pour 15 euros, mais bon, c'est un peu dommage. Ouais. Mais là, je pense que ouais, non, bonne série. Donc ça s'arrête au 5, d'accord? Parce qu'il y avait marqué, j'ai vu quand même à la fin du 4, il y a marqué To be continued. Et je me demandais s'ils n'avaient pas mis To be conclude, puisque c'était le dernier. Mais bon, si tu dis que c'est le dernier, Il me semble que ça s'arrête je au te 5, crois. après moi si tu m'en donnes un sixième, je signe. Ouais, non, mais peut-être que si. J'avais lu, moi, au tout début, que c'était en fait prévu pour un graphic novel et Ouais, et qu'ils que ça a l'avaient été découpé saucissonné, ouais. en partie. Mais après, je sais pas, Il on verra me bien. Hein. semble c'est 5, mais bon, à voir. Allez, on continue, on va essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire et qu'on a déjà bien duré. Je vais King aller of vite. Nowhere numéro 5, dernier numéro. Dernier numéro. W. Maxwell Prince au scénario. Tyler Jenkins, Hilary Jenkins, dessin couleur. Dernière partie de cette mini-série. Alors, on va peut-être pas rappeler toute l'histoire, mais voilà, c'était un individu qui se réveillait après soit une cuite, soit une hallucination dans un espèce de village avec des êtres. Étrange, tête difforme, etc. Et il lui arrivait tout un tas d'événements et ça se passait pas très bien. il était un peu paria dans ce, le malvenu dans ce milieu. Et le numéro 4 nous laissait fortement penser qu'il y avait une histoire de nucléaire derrière, hein, de transformation, de malformation liée à ça. Et en fait, bah, oui, c'est tout à fait ça. Et ça se finit, ça se clôt sous forme d'un avec beaucoup d'action, un peu sous forme d'un polar, quoi, où il faut régler les comptes et arriver à s'en sortir. Chacun va défendre sa peau. Conclusion assez classique, pas très surprenante. Un peu déçu quand même de l'ensemble de la mini. Vu ce que fait le scénariste sur Ice Cream Man, qui est, alors c'est pas forcément une bonne chose de comparer, mais c'est tellement jouissif sur Ice Cream Man que je m'attendais à un équivalent, on va dire. Et au final, sympatoche, mais pas indispensable, quoi. Voilà, j'ai pas trouvé ça finalement exceptionnel. L'idée de base était bien, tous ces personnages un peu étranges, et au final, au niveau de l'histoire, ils sont pas si exploités que ça. Ils sont juste fruits d'une expérience, quoi. Et donc voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, la fin est très classique, c'est un peu une ambiance polar avec une fin qui surprend pas vraiment. Okay. Donc ça fait flop, pas totalement convaincu. Okay. Flop peut-être pas, mais peut-être qu'en le relisant les 5 de suite, j'aurais peut-être un avis un peu plus positif, on va dire. Mais on l'avait déjà dit, enfin, c'était bien, mais c'était pas aussi surprenant que ça aurait peut-être pu l'être. Et donc, voilà, en plus, j'ai mis du temps, voilà, à le lire, parce que je crois qu'après le 4, j'étais pas totalement hypé, comme on dit, par ce numéro 5. Et puis, finalement, voilà, la conclusion m'a pas totalement conquise. Dommage. Là, je t'ai foudroyé, tu le liras pas. Je vais essayer de le lire quand même. Au moins 6 mois. C'est déjà qu'il était pas en haut de ma pile. Bref, allez, enfin, j'enchaîne. Voilà. J'enchaîne chez IDW. Lock and Key in Pale Battalions Go. Le numéro 2 est sorti. C'est une mini-série en 3 parties seulement, hein, qui nous remet gentiment dans l'ambiance de Lock and Key avant d'attaquer le crossover avec Sandman qui va commencer dans un mois entre DC et IDW, du coup, donc qui m'intéresse bien. In Pale Battalions Go, c'est ça part du principe que les clés de Key House ont toujours été de potentielles armes de guerre. Qu'est-ce qui se passerait si elles étaient réutilisées dans une guerre? Et là, on parle, si je ne dis pas de conneries, de la Première Guerre mondiale. Et du coup, Chamberlain Locke a formellement interdit à ses enfants d'utiliser les clés pour impacter, influencer le cours de la Grande Guerre qui ravage l'Europe. Sauf que il y en a un qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, c'est John Jack Locke, qui va prendre les clés parmi les plus puissantes et qui, va se mêler à cette guerre. Et quand on connaît leur pouvoir, on se doute bien qu'elles peuvent avoir des effets dévastateurs, et c'est ce qui se passe dans cet épisode 2, où on se trouve en plein milieu des tranchées, côté allemand, et où il y a une rumeur qui dit que la nuit, les ombres s'animent. Les fans de Lock and Key comprendront. Un numéro assez graphique, assez dynamique, assez violent aussi, c'est la guerre après tout, et qui se conclut sur un petit choc, entre guillemets, donc ça fait bien envie pour un épisode 3. Et une petite histoire en 3 parties qui sera sympathique de retrouver dans le futur recueil en VF de iComics, hein, qui nous ont annoncé pour 2021 un recueil avec des histoires de Lock and Key, nouvelles qui n'ont pas encore été publiées en France, et il y en a quelques-unes effectivement, dont cette mini-série, donc ce sera sympa à retrouver. Puis le tandem Joel Gabriel Rodriguez, voilà. C'est toujours agréable de les retrouver dans cet univers. Daredevil 22, Boris. Allez, on enchaîne. Daredevil 22, donc c'est toujours Chip Zdarsky au scénario. Et ce n'est pas Marco Cecchetto au dessin, c'est Mobili de son nom et son prénom. Je ne le trouve pas. Où est-il? Un artiste, j'imagine, italien. Attends, si je l'ai. Francesco Mobili. On était resté au numéro 21 avec Daredevil qui se rendait reconnaissant être coupable du meurtre, involontaire, mais meurtre quand même, d'un jeune au tout début du run, Leo Carraro, au moment où Daredevil était intervenu sur un cambriolage, je crois, une agression. Et donc, il avait décidé de se rendre. On était impatients de voir un petit peu comment ça allait se passer. Entre-temps, il y avait eu l'annual dont on a parlé la dernière fois, qui réintroduisait le personnage de Mike Murdock, le frère, soi-disant, de... de Matt Murdock, qui ne revient pas dans cet épisode. Alors ça se trouve, peut-être qu'il a juste voulu se faire plaisir et on n'en entendra pas parler, je ne sais pas. Connaissant Shibdarsky un peu, ça m'étonnerait qu'on n'en entende pas parler, mais bon, peut-être, hein. On verra bien. Alors là, dans cet épisode, Foggy s'arrange ne soit, enfin Daredevil ne soit pas emprisonné avant son procès, donc il reste libre et il va en profiter un petit peu pour s'assurer que Elskinshed soit en sécurité, au moins du mieux que cela est possible, avant qu'il soit peut-être incarcéré et jugé. Moi, je suis enfin, toujours très bon. Moi, j'ai toujours. Je trouve que là, il fait intervenir Shibdarsky, un personnage Marvel, la personne d'Iron Man. Je trouve qu'il a toujours le chic pour savoir bien utiliser les personnages de l'univers Marvel qui viennent intervenir. Mm. Quand il avait utilisé un peu Spider-Man, je ne sais plus dans quel épisode, c'était super bien écrit. Mm. Comment ? Ça fait pas si longtemps que ça qu'il l'a utilisé. Ouais, mais je sais plus. Comme il y a eu l'interruption, la pandémie, ça faisait un peu plus de temps, mais c'était bien fait. Là, c'est encore bien fait. L'idée, comment ils veulent l'utiliser, je trouve ça plutôt malin. Et c'est toujours bien écrit, bien dialogué. Il sait toujours très bien écrire les caractérisations des vilains aussi. Hein, le caïd, comment s'appelle-t-elle ? Marie. Ah zut, typhoïde. Je fatigue. Marie Typhoïde, merci. Je trouve que c'est bien écrit, bien caractérisé. Il arrive bien à créer son ambiance et ses inquiétudes. Le caïd est toujours très bon. Hein. Il mène bien ses affaires. On sent que il va prendre de l'importance dans la suite. Et puis ce cliffhanger avec le retour d'un personnage qui montre là une fois que Shibdarsky aime la continuité et aime réutiliser ce qu'ont fait les précédents scénaristes, même quand c'est pas forcément bon avec Charles Soule ou quand c'est bon avec Mark Waid. Ça m'a fait plaisir de voir ce personnage. Oui. C'est-à-dire quand c'est bon avec Charles Soule. C'est vrai. C'est ça bon a existé. Avec ça a existé. Ça arrive. Non, ah merde, j'ai raté ça. Pour ça, il faut que tu lises She-Hulk, par exemple. Ouais, ouais. Le premier arc de Charles Soule est pas trop mal. Oui, non, on est dur a posteriori quand on sait ce qu'il a fait, mais son démarrage. Ouais, pas si mais on se fait plaisir, voilà. Donc là, moi, j'ai bien aimé. Je trouve que et puis. Le fameux Francesco Mobili est un artiste de passage, hein, puisque j'ai regardé un petit peu, il ne reviendra pas avant un certain temps, puisque après il y a Cicchetto qui revient, et en alternance avec un autre artiste qui s'appelle Mike Ostrone, je ne sais pas, je ne connais pas. Ouais, si tu le dis, je te crois. C'est pas mal. Je te crois. J'avoue que moi aussi j'ai des coupes de son avec toi, donc c'est vrai que des fois je n'entends pas ce que tu dis. Donc la conversation va peut-être être un peu décousue, mais. Et là, au niveau dessin, c'est quand même très correct. Hein. Il y a quelques visages qui m'ont un peu perturbé, mais l'ensemble, c'est un peu du pour être méchant, on va dire, du sous-Cecchetto, mais c'est quand même très, très, très satisfaisant. Et toujours conquis et impatient d'avoir le 23 entre les mains, voir comment il va réutiliser le personnage qui arrive sur la dernière page. Oui, ça, c'est une constante cette série, c'est qu'on veut ouais, la suite. Donc, ouais. Toujours convaincu et tellement bien. Enfin moi je la reprends en VF, j'avoue, c'est un de mes péchés. Toujours plus. Et donc oui, depuis le début, hein, franchement ça a pas faibli. Tout à l'heure on parlait du Venom qui pouvait avoir des coups de mou. Moi le Daredevil depuis le début, je vois pas un épisode qui m'est déçu. Quoi. Graphiquement oui, mais pas dans le scénario. Oui, graphiquement oui. Là l'arc 2 qui sort. Chez Panini en VF, ça va piquer. Ouais. Mais au niveau scénario, ça n'a pas baissé d'un seul pourcent depuis le début. Voilà. Comme on a été déjà bien long, je te propose de garder We Only Find Them When They're Dead, difficile à prononcer, et si That Texas Blood pour la prochaine fois, et de conclure avec évidemment The Flash 660. Hop là, The Flash numéro 762, dernier épisode de l'immense, que ce soit par la taille ou par la qualité, run de. James Robin. Non, putain. Joshua Williams, ça commence bien. Oui, bah écoute, ça fait 1h40 hein, de Joshua Williamson, voilà. Évidemment. L'immense run de Joshua Williamson. Dernier numéro, voilà. Fin de run. Tu l'as écrit également dans un édito, ma foi, que je recommande chaudement à la lecture, concernant la fin de ce run et la fin peut-être d'une ère par rapport à DC Comics, qui est marquée la sortie de ce numéro. Voilà, un édito que tu fais en forme de lettre d'adieu à DC Comics, un peu, on peut la prendre comme ça. Tout à fait, ouais. Un peu, ouais. Pourquoi es-tu aussi nostalgique et aussi triste? Ben parce que pour moi, c'est la dernière série qui a les caractéristiques de ce que j'aime et ce qui m'a fait, quand j'ai découvert les comics il y a quelques années, qui m'a fait aimer ce type de comics de super-héros, c'est-à-dire un univers partagé cohérent, une écriture mensuelle, sériale, avec un vrai cliffhanger à la fin qui te met 9 fois sur 10 sur les fesses. Et une série qui dure depuis plus de 100 épisodes, et donc quelqu'un qui a pu écrire, prévoir, planifier, qui a joué le jeu aussi des crossovers quand il fallait, qui, voilà, et sans doute qui se perd avec ce que DC a annoncé, propose maintenant, et ce que j'aime pas, quoi, voilà, clairement. C'est pas Et Batman. alors, quel Batman? Le Batman de Tannen Ford? Le Batman tout court, il n'y a que ça, t'aimes pas. Bon. Si, j'ai aimé bien Batman, mais le Batman de Tom King m'a lassé. Le Batman de Tannen Ford me fatigue aussi. Et c'est de façon plus générale, DC n'a pas de cohérence éditoriale globale. Clairement, il y a trois groupes, on va dire, hein. Il y a Snyder et ses métalleries. Il y a Bendis. Alors Bendis, on ne sait pas trop ce qu'il fait encore. Enfin, moi, je suis plus. J'ai essayé un peu au début Superman et ça m'a lassé. Et est-ce qu'il va rester encore longtemps sur ces franchises-là, je suis pas sûr. Et puis à côté, il y a les séries qui sont un peu indépendantes de ça, qui vivotent un peu. Mais moi, c'est mon idée, c'est que c'est la dernière série, c'est celle qui a duré le plus longtemps depuis le début du Rebirth. C'est celle qui a tenu le plus ses promesses jusqu'au bout. Le scénariste a vraiment maintenu cette qualité d'écriture et ce respect, on va dire, de ce qu'était le comics au départ. C'était hein, l'histoire de la mensualisation, du cliffhanger. C'est un maître en termes de cliffhanger quand même, hein. Il faut quand même le reconnaître. Et ça, on le retrouve peu quand même dans l'écriture de beaucoup de scénaristes de comics, que ce soit en mainstream ou même en indé, hein. Beaucoup écrivent pour le TP maintenant, ils font des arcs, et puis en plein milieu, enfin, à chaque épisode, il n'y a pas forcément de cliffhanger. On se demande si ils ont vraiment envie qu'on revienne par la suite. Et tout ça, voilà, ça, cet arrêt de run, alors pas de la série, hein, puisqu'elle va être reprise par un artiste que je ne connais pas. Mais ça sent quand même le gros feeling en attendant de voir un petit peu comment ils vont pouvoir intégrer cette série dans l'univers, on va dire. Mais c'est quand même le symbole de la fin d'une ère. Et puis, si on a suivi un peu l'actualité, on voit bien que d'ici, produire des singles mensuels papier, ça n'est plus franchement leur priorité. Je crains qu'on voilà, d'ici, si on se retrouve dans un an, que le single papier mensuel ait quasiment disparu. Enfin, c'est mon avis. On verra bien. Je suis peut-être pessimiste, Non, non, mais mais tu... j'ai peur qu'on soit là-dessus. Et je trouve quand même que voilà, cette série est le symbole de ce qui me plaisait et ça s'achève. Voilà, tout simplement. Après, en termes d'épisodes, on en a parlé en off. En termes d'épisodes seuls, c'est pas un bon épisode, j'ai trouvé, parce que le dernier arc était très très bon, totalement épique avec voilà, Williamson convoquait toute la Flash Family, hein, on peut dire ça comme ça au sens large, en faisant revenir plein de personnages et il y avait une vraie tension, c'était palpable, avec encore un gros cliffhanger à la fin du 761. Et en fait, ce côté épique, cette tension, en 4 pages, 5 pages, je sais plus, est expédié dans le 762, puis après il range les jouets. Alors le fait qu'il range les jouets me choque pas plus que ça, puisque je pense qu'il n'y a pas de direction claire pour la suite et que bon bah voilà, il faut remettre un peu les choses à plat et pas laisser sur des pistes que peut-être le suivant n'a pas envie d'utiliser ou ils sont pas mis d'accord, c'est ce qui est souvent le cas. Donc il va partir peut-être sur autre chose. Mais si on prend juste l'épisode en lui-même, bah, il y a les 4-5 premières pages qui sont dans la lignée des épisodes précédents. Puis après, c'est du plat un peu. C'est plat, c'est un peu fade, quoi. Même si c'est beau, on se dit que c'était bien, quoi. Voilà, oui. Flash, il y a une petite morale sympa à la fin. Mais on aurait aimé que cet épisode contienne les ingrédients qui étaient présents dans les derniers épisodes précédents. Voilà. Ouais. Flash par Williamson, c'est plus de 100 épisodes. C'est le deuxième plus long run de l'histoire du personnage de Flash, quand même. Voilà. C'est Kary Bates Ah, qui a sur la fait. longueur, c'est incontestable, Ah oui. c'est du très bon. Il n'y a que Kary Bates qui a fait mieux, et ça fait bien longtemps. Et c'est le plus long run ininterrompu. Jamais quelqu'un n'avait écrit autant d'épisodes à la suite sur le personnage de Flash. Donc forcément, c'est un run qui restera dans l'histoire. Du personnage et de DC. Enfin, il a fait plus que Geoff Johns, plus que Mark Waid sur ce personnage. Et il a fait, à mon avis, au moins aussi bien. Voilà, si on prend sa centaine d'épisodes, 103, je crois, en comptant les annuals, alors on a une espèce de version un peu définitive de ce qu'est Barry Allen et de tout le cast qui l'entoure, parce qu'il y a un cast secondaire qui a été développé pendant tous ces épisodes-là de bout en bout. Moi, par exemple, enfin, le Wallace West, le nouveau Kid Flash, il l'a rendu intéressant. Il l'a rendu intéressant et important. Alors que rappelez-vous de ce qu'il a été quand il a été introduit, enfin voilà quoi, Non, c'est il est, que. ça va laisser des traces, effectivement. Il y a peu d'épisodes ou d'arcs faiblards, quoi. Moi, je n'ai même pas le souvenir d'avoir trouvé qu'il y avait des moments faibles. Non, non. Effectivement, c'était des fois moins palpitant, on va dire, mais il arrivait toujours dans ses épisodes au moins à créer un cliffhanger qui donnait envie d'aller voir la suite. Même si on s'était dit, bon, l'épisode est un peu classique, un peu fade. Oui. Bon, mais il y avait un cliffhanger qui relançait et sur la globalité de chaque arc, sur l'enchaînement, les innovations qu'il a proposées, enfin, c'est vraiment un grand run. Il disait plus de 100 épisodes, ça aussi, c'est sans doute quelque chose qu'on ne reverra pas avant Avant bien très longtemps, oui, longtemps. c'est sûr. Voilà, Donc. Godspeed, Paradox, Bloodwork, c'est des ajouts quand même qui sont assez importants dans la mythologie de Flash maintenant. Et puis bah, la place rendue à River Flash, à Ebardstone, en tant que grand némésis du personnage, et voilà. Ses liens avec le 25e siècle, avec le futur, le passé, tout, enfin. Voilà, c'est ça. Ça en a fait vraiment un très très très très très grand run. Et qu'effectivement, on n'est pas prêt de revoir ça, quoi. Et de bout en bout, graphiquement, entre Oui, voilà, c'est Sandoval, ce que j'allais dire. Rafa Ouais. Sandoval, Howard Porter, pour citer ceux qui ont été Christian le Duce, plus présent, oui, qui Christian était. Ducce aussi, enfin voilà, les trois Ouais. là. Et au départ, c'était Gian Domenico, ou Oui, un nom comme. Carlo Di Gian Domenico. Voilà, et c'était spécial comme tracé, mais sur Flash, ça fonctionnait bien Oui. comme dessin. Mais il y avait vraiment ce style qui tient au personnage. Donc graphiquement, oui, de bout en bout, ça a été quand même du très bon. Et Je vais même l'arc, peut-être, vas-y. ouais, j'allais dire, même l'arc Yharwan, qui aurait pu faire peur, on aurait pu se dire, on va essayer de nous réécrire les origines, ça va être bidon, etc. Encore une fois, et ben, il s'en est bien sorti Il aussi. s'en est sorti, ouais. C'était intéressant. Ouais. Je vais peut-être faire plaisir à Anthony, je sais pas, mais je vais recommander tout ce que vous voulez. La lecture de Dark Knights Death Metal, Speed Metal numéro 1. Non, tu as pris quelque chose là, c'est ça? Non. Non, non, non, non, non, non, parce que c'est Williamson qui l'écrit, ce Dark Knight, ce one shot sur Flash dans Death Metal, et il est capital dans la conclusion de son run. Il est important, il est même référencé dans le numéro 762, parce que il y a un certain Wally West qui tient une place intéressante. Donc, si vous avez aimé le run de Joshua Williamson sur Flash, si vous avez envie de revoir C'est-à-dire. Wally West, de voir Jay Garrick, de voir tous ces gens-là, écrit une dernière fois par Joshua Williamson et dans quelque chose qui est intégré dans la continuité de son run, allez lire ce Speed Metal numéro 1. Ah, j'ai bien vu que c'était référencé, mais je me suis dit, Speed bon, c'est un truc Metal. pour la suite. Voilà, Je donc. me suis dit, c'est une métallerie supplémentaire qui ne va C'est pas une m'intéresser. métallerie supplémentaire, mais elle Mais compte. c'est pas Snyder. Voilà. Elle compte et elle est intéressante. Et J'irai voir. c'est la dernière chose que je dirais sur Williamson, c'est qu'il a bouffé tous les events et tous les crossovers par lesquels DC est passé depuis le début de Rebirth. À chaque fois, il les a intégrés dans son run et il en a fait quelque chose d'organique et de logique. Ouais, c'est vrai que c'était toujours bien fait et ça passait tout seul. Et il a même réussi à le faire avec Death Metal. Alors là, moi, je dis bravo, quoi. Chapeau bas. Ah oui. Merci, monsieur Williamson, clairement. Et ça va conclure cette émission. Cette longue émission 305, que vous allez avoir assez vite par rapport à l'enregistrement. Nous étions le 10 octobre au moment où nous l'avons enregistré. Je ne vous promets pas que vous l'aurez le 11, mais c'est une possibilité. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, évidemment, une bonne soirée peut-être, si vous nous écoutez le soir d'ailleurs. De bonnes lectures, je pense que vous avez de quoi faire avec tout ce dont on a discuté et tout ce à propos de quoi nous avons digressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez partagé les mêmes lectures que nous, ça nous intéresse toujours. On se retrouve prochainement avec le numéro 306 et puis peut-être autre chose. En tout cas, d'ici là, évidemment, bonne lecture et à bientôt! Au revoir. Au revoir. Au revoir.